l'infirmière chante deux. Ça me fait des choses. Trois, comme l'alouette. Quatre, j'ai peur. Cinq, c'est dur la vie. Six, pour un sourire. Sept, j'en pleure la nuit. Huit, et vous? Nicolas chantait derrière le micro. Bonjour à tout le monde, Radio Libertaire, bien sûr, la radio de la Fédération Anarchiste, Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, comme je le dis à chaque fois, et je le redirai, ça fait plusieurs années maintenant, j'arrête de compter les années que j'ai ça, mais où ailleurs que sur Radio Libertaire, on peut faire une émission de deux heures sur le cinéma d'animation. Je pense pas que ça existe dans beaucoup de pays, et donc voilà, donc encore merci à Radio Libertaire. Hop, j'ai mon, je crois que c'est mon téléphone, qui a vibré. Je suis désolé, c'est la première fois que je l'ai. J'enlève. Et c'était un petit coucou d'ailleurs, et je crois que c'est lui qui envoie un message à notre auditeur fétiche. En effet, je sais qu'il aime bien notamment Mylène Farmer, donc voilà, c'était un petit coucou. Et puis c'était aussi pour parler en effet de Mylène Farmer et Indochine, hein, 84 pour Maman j'ai tort, 87 sans contrefaçon, 85 Indochine, troisième sexe. C'était voilà, 40 ans après, comme quoi l'être humain est long. Je sais pas qu'on commence, mais petit à petit à réfléchir un peu sur cette idée de genre. Et voilà, c'était quelque chose qui a été mis depuis longtemps par d'autres personnes, mais voilà, donc je voulais rendre un peu hommage aussi à cette grande force de ces chansons qui moi, me rappelle il y a longtemps. Et donc voilà, donc c'était Mylène Farmer et Indochine, et un petit coucou à cet auditeur fétiche qui se reconnaît. Nicolas Tise, bonjour Nicolas. Bonjour. Et Marie-Pauline Mollaret étaient nos deux vaillantes journalistes pour aller au Cartoon Forum. J'oserais jamais moi mettre les pieds là-bas, donc je suis content qu'ils y aillent pour moi. Au moins, ils y vont pour l'émission. Pourtant, on mange très bien. Voilà, je sais que c'est uniquement pour parce qu'ils mangent bien. Mais ils récupèrent de temps à autre de beaux projets. Heureusement qu'on a ces beaux projets. Donc moi, je suis ravi. On reçoit Aude à Le Plège. Bonjour. Bonjour. Non, j'ai toujours du mal à prononcer le nom à chaque fois. Je veux dire Le Plège. Avant, je me faisais appeler comme ça. C'est ça, hein, donc voilà. Et Marc Fay, bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Alors Marc est déjà venu, c'est Nova Anima. Aude, c'est une réalisatrice dont je vous ai déjà parlé, notamment pour son court-métrage Saigon-sur-Marne, qu'elle sait, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on en a souvent parlé, discuté ici, mais donc on va pouvoir en parler directement avec Aude. Et ils ont un projet de spécial télé dont on va nous parler un peu plus. Aude et Marc vont nous parler un peu plus, mais évidemment Nicolas aussi. Nicolas nous parlera du Cartoon Forum. On vous expliquera pourquoi moi, j'ose pas y mettre les pieds et que lui, il met les pieds vaillamment. comme il sait le faire. Et il nous parlera aussi d'autres projets qui l'ont intéressé au-delà du projet de Aude. On va commencer par un autre petit clin d'œil, c'est très court, mais j'y tenais à faire un petit coucou à Antoine Bieber. Antoine, vous inquiétez pas, je prends, ça va un peu, il est toujours bien là avec nous, mais c'est une merde de vraies choses, Antoine, etc. Mais il faisait partie de l'équipe pendant des années. Antoine a décidé d'aller très loin, pas si loin que ça, mais voilà, dans le Nord pour s'exiler. Et donc, il viendra de temps à autre, on l'espère, nous rejoindre. Et puis surtout, on espère qu'on le retrouvera pour qu'il parle de son travail à lui, un de ses jours. Et je sais que, voilà, il a l'album du mois. C'est lui qui a l'album du mois. Alors, je sais que c'est un album qui est complexe pour lui parce qu'il aime beaucoup et à la fois pas tout. Mais vous connaissez, vous avez peut-être sûrement entendu parler. Chilly Gonzalez vient sortir un album qui s'appelle French Kiss, donc où Chilly Gonzalez, voilà, virtuose du piano, chante enfin en français. Alors, tout n'est pas fin dans cet album, loin de là, un peu à la Chilly Gonzalez. Mais voilà, on va entendre l'un des morceaux qui s'appelle, j'ai tellement mal écrit, bravo, je crois que c'est Garstavour ou Gantstavour, non, Gantstavour, que vous allez voir un petit clin d'œil un peu étrange, enfin en tout cas Aznavour, cette espèce de petite, voilà. Et comme toujours, Nicolas, on passera, je te dis, on passe donc celle-ci et on passe juste le morceau qui est juste après, ce qui doit faire 2 minutes 50. On revient après pour parler de tout ça. À tout de suite. J'ai travaillé quelques semaines pour Charles Aznavour. Il avait déjà 80 ans, il était quasiment sourd. Quand il est arrivé au studio la première fois, il a dit « Mais il n'y a pas d'ascenseur ici, j'ai un ascenseur chez moi. » Gangstavour, Gangstavour. Je l'ai observé dans le couloir à un moment. Il chantait pour sa petite fille si tendrement. Je n'oublierai jamais les paroles de son chant. C'est que pour toi que grand-papa chante gratuitement. Gangstavour, Gangstavour. J'en ai encore des anecdotes sur lui. Mais ceci n'est qu'une interlude, un petit morceau gratuit. C'est peut-être la destinée, parce que quand je suis parti du Vietnam, mon père m'a dit qu'il ne faut jamais te marier avec une Française. Elle peut te tirer avec le pistolet. Hein. Pourquoi je n'irai pas au moins Je n'avais pas de pistolet. Toujours Bulle de rêve, pardon, évidemment. Comme d'habitude, vous le savez, on parlait un petit peu pendant ces extraits. On vient d'entendre la bande-annonce. Maintenant, on fait des bandes-annonces pour les courts-métrages de Saïgon-sur-Marne. Donc, le film de Aude, Le Plège A, que je le dise bien. Le Plège, je vais y arriver. Comme quoi, quand on a des... Je vais me reconnaître. Comme quoi, quand on a des trucs comme ça dans la tête. Aude, toi, t'as un parcours maintenant avec pas mal de choses derrière. On peut dire quand même qu'il y a des choses qui ressortent. Alors notamment, on va peut-être parler directement déjà du Vietnam, puisque c'est important, qu'on retrouve notamment dans trois films. Alors, Saïgon-sur-Marne, qu'on vient d'entendre, aussi L'année du tigre et Vieillir loin de chez soi, alors qui est là plutôt uniquement de la radio. Ce Vietnam, c'est recherche de racines. Ben oui, je pense que c'est ça. Donc, Saïgon-sur-Marne, c'est basé sur des interviews de mes grands-parents et ça retrace. Je voulais parler un peu de des relations de mariage mixte hein, entre deux personnes de nationalités différentes. Et c'était à travers donc toute l'histoire d'amour de mes grands-parents à partir du moment de leur rencontre. Le Vietnam, ça a toujours été important pour moi. Enfin, j'étais très proche de mes grands-parents. Je pense que ça se sent dans ce film. Et c'est marrant parce que donc Vieillir loin de chez soi, qui est un documentaire radiophonique que j'ai fait lors d'un atelier, je m'étais justement, c'était un atelier de groupe, et je m'étais dit, moi je vais plutôt m'associer au projet de quelqu'un d'autre pour sortir un peu de mes thèmes habituels. Alors bon, voilà, c'était complètement raté. Mais je te parlais, pardon, de retour, parce que j'ai pas l'impression pour moi, c'est pour ça que j'ai laissé un peu en suspens, c'était pas forcément un retour, une recherche de racines, mais c'était plutôt une envie de découverte. Que je trouve assez joyeuse, en tout cas, dans les films. Il y a quelque chose qui est, une recherche assez tendre de tout ça. Je peux me tromper, évidemment, t'as le droit de dire non. Oui, je réfléchis à ça. J'avais pas vu ça sous cet angle. En fait, c'est vrai que dans Saïgon-sur-Marne et Vieillir loin de chez soi, qui sont donc des documentaires, dans le processus de fabrication, il y avait toujours un moment où je bloquais un peu, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être dans la recherche, d'avoir envie d'apprendre des choses. Et c'était au moment de la fabrication du film ou du documentaire où il y a donc la restitution de ce qu'on a appris, où en fait, parfois, j'avais envie de sauter cette étape, j'avais juste envie de continuer à apprendre des choses. Donc évidemment, quand même, je suis allée au bout de ces deux projets. Et Vieillir loin de chez soi, donc c'est un projet de groupe que j'ai fait avec deux personnes de mon atelier. Et c'est vraiment intéressant, il y a cette tendresse, comme je dis, moi, que j'aime beaucoup dans Saïgon-sur-Marne, et notamment tout ce début où ton grand-père ne veut pas parler, ou en tout cas n'a pas envie, ta grand-mère même s'enfuit. C'est très mignon, c'est du style, on verra plus tard. Hein. Et finalement, il y a ce moment où on se pose toujours la question dans un documentaire. Comment on met le micro? Enfin, est-ce que le micro apparaît? Alors, dans un documentaire prise de vue continue, mon animation, évidemment, là, c'est encore plus voulu. Et cette intrusion, à un moment donné, de toi, du micro, mais évidemment, le micro, c'est toi. C'est venu de suite, l'idée que tu apparaissais dans le documentaire ou un petit peu plus tard? Non, en effet, je pense que c'est venu suite à toutes ces expériences que j'ai eues. J'ai interviewé mes grands-parents sur peut-être 3 ans. Et donc, en fait, il y a eu quand même une... Ils ont... au début, il y avait plus de distance. Et c'était très intéressant, ce processus, qu'en fait, j'ai pas pu complètement rendre visible dans le film, puisque là, on me voit arriver, les interviewer. Alors oui, ils résistent un peu. Puis finalement, ils se laissent prendre au jeu. Mais donc, il y a eu ce processus-là de résistance, puis d'avoir envie de raconter de plus en plus de choses, qui a eu lieu sur plusieurs années. Par exemple, au bout d'un moment, pour mon grand-père, quand il dit cette phrase, c'est moi qui commence. En fait, c'est pas joué. Il l'a vraiment dit parce qu'il n'avait pas envie de commencer. Et une fois qu'on coupait le micro, par exemple, pour aller manger, alors là, il ne voulait plus s'arrêter. Il continuait à raconter des choses. Alors moi, je continuais à prendre des notes. Et en fait, j'ai eu un processus où, en revenant chez eux, souvent avec du matériel de meilleure qualité, donc pour faire une meilleure prise de son, finalement, je leur demandais de me re-raconter les mêmes histoires. Et c'était... en fait, ils le faisaient toujours avec beaucoup de plaisir. En fait, un plaisir grandissant, je dirais même. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, toi aussi, tu les as aidés à ressortir des choses, finalement. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose qui, un peu comme de s'apprivoiser, même si on avait évidemment une grande proximité, mais une confiance qui s'installe sur cette histoire. Et je pense que ça leur a fait aussi énormément plaisir que je m'intéresse à ça. Il y a toujours cette idée que la génération d'après, donc tes parents, des fois, on n'en parle pas entre soi et que finalement, c'est souvent les petits-enfants qui commence à parler de ça. On a eu Souvenir, par exemple, de Bastien Dubois, des choses comme ça. C'est quelque chose que eux ont ressenti, en tout cas. Cas, je vois par rapport à la génération qui est au-dessus de moi, celle de ma mère, que le départ du Vietnam, c'est toujours une grande blessure. Et pourtant, en plus, ils l'ont fait dans des conditions qui sont assez favorables. Mais en fait, quitter son pays sans savoir qu'on va jamais y retourner, C'est difficile, même si évidemment ma mère parlait parfaitement le français, sa mère est française. Et donc je pense que oui, il y a eu quelque chose que, comme une sorte de tabou. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais ressenti quand j'étais petite, parce que mes grands-parents, on parlait tout le temps du Vietnam, mais finalement pas tellement du départ. Il y avait tous les souvenirs avant que bon, la situation, ça devienne trop compliqué pour y rester. Et donc on mangeait vietnamien, enfin il y avait plein de références au Vietnam dans notre vie quotidienne. Et en fait, suite à Saïgon-sur-Marne, à un moment j'étais avec ma mère et ses trois sœurs, elles se sont mises à parler du Vietnam. Et c'était vraiment 10 jours après le film, hein, où, donc je leur avais envoyé le lien. Et ma mère m'a dit, on n'en avait jamais reparlé. Donc ça faisait 40 ans, 50 ans qu'elles n'avaient jamais parlé du Vietnam entre elles, de ce qu'elles avaient ressenti. Donc en effet, je pense qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la digestion, mais ça ne se fait pas au cours d'une vie peut-être, mais en passant de génération en génération. Et souvent, en fin des séances où Saïgon-sur-Marne passait, j'avais des gens qui venaient me parler de leurs histoires d'immigration. Alors c'était génial, ça, de pouvoir, en fait, de voir comme ça faisait réagir les gens, et qu'évidemment, ils n'avaient pas du tout besoin d'être d'origine vietnamienne pour se projeter. Et aussi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Ah là là, moi aussi, je me suis dit qu'il faudrait que j'enregistre mes grands-parents. » Donc toujours un peu cette chose sur les générations. Et moi, j'étais là « Allez-y, il faut le faire. » Et puis c'est ça, parce que ça renforce aussi la relation qu'on a avec ses grands-parents. Donc il n'y a que des avantages, je trouve. Mais ce que je trouve beau dans le film, c'est justement, il y a beaucoup de films là-dessus, la jeune génération, plus jeune que toi, même, parle beaucoup de ses grands-parents, mais je trouve qu'il y a un côté qui est forcément nostalgique. C'est tout le temps comme ça. Et toi, il y a beaucoup de plaisir, il y a un vrai côté heureux de la manière dont ça s'exprime, et que même s'il y a sûrement des blessures et des déchirures qu'on peut avoir, évidemment, comme tu dis, quand on quitte, il y a quelque chose de touchant, et même de toi, dans la manière dont tu parles et dont tu t'exprimes avec, il y a plutôt voilà, ce côté, on parle de vie, on parle de bonheur aussi. Ouais, je pense que ça tient aussi de la personnalité de mon grand-père et de ma grand-mère. Comme j'avais quand même toujours, malgré tous mes enregistrements, pas enregistré mon grand-père avec un très bon matériel, et que, en fait, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais il a un accent qui faisait qu'avec la qualité de son que j'avais, certains mots étaient pas très compréhensibles. C'est pour ça qu'en fait, le film, ensuite, on l'a diffusé sous-titré en français. Parce que certaines blagues, personne ne les comprenait, alors qu'elles étaient très drôles. Qu'est-ce que je voulais dire ? On était sur la personnalité de tes grands-parents, oui, et le fait que peut-être le côté joyeux, justement... Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, on avait... Il y a eu un moment très court, on a réfléchi à reprendre ce que disaient mes grands-parents et les faire doubler par d'autres gens. Mais en fait, je me suis dit non, il y a tellement de choses qui tiennent dans, notamment la voix de mon grand-père, son rire... que c'est, en fait, il faut que ça reste. Donc voilà, on a trouvé cette autre solution. Et sinon, je sais pas, la tendresse dont tu parles, la joie de vivre. C'est vrai que j'ai aussi décidé de placer ça dans un quotidien. Donc ça se passe le long d'une journée, et c'était très important pour moi qu'ils soient dans leurs tâches quotidiennes. Mais je pense que c'est de moi les avoir vus, mon grand-père qui faisait le repassage, je sais pas comment dire, c'était des images que je trouvais, je pense, drôles, normales mais drôles. Et tout de suite, ça a été le concept du film, c'était les tâches ménagères. Et donc après, il y a eu, j'ai réussi à mettre ça, quelque chose qui j'espérais assez cohérent. Et je pense que ça apporte de la légèreté, en fait. Ce quotidien, et en même temps pour dire on a vécu ça, le quotidien il s'est reconstruit. Oui, c'est ça, c'est que la relation, on sent de temps en temps dans la voix notamment de ta grand-mère, ces déchirures, en tout cas ces blessures de partir d'un endroit, et à la fois leur relation à tous les deux là dans le film, et justement c'est cette relation qui finalement fait que ça tient malgré le fait qu'on ait quitté un pays qui nous a accueillis, ou qui était notre pays de naissance, quoi. Évidemment, là, je pense que c'est beaucoup aussi de mon écriture. Alors, évidemment, c'est vrai qu'ils étaient toujours ensemble. Ils ont eu 62 ans de mariage, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup insisté dans le montage sur ce qui était positif. entre eux, j'ai éludé d'autres choses. Évidemment, il y a quand même un moment où il parle du fait qu'elle part avec les trois enfants en France, que lui, il reste seul. Bon, j'en avais besoin aussi parce que... Déjà parce que c'est un événement important dans l'histoire de la famille, dans leur histoire de couple, et comme c'était mon fil rouge, mais aussi, bien sûr, parce que... j'avais besoin aussi de moments avec des tensions différentes pour que le rythme, qu'on reste dans le film. Il y a une écriture, peut-être, c'est peut-être des fois ce qui peut manquer dans certains documentaires sur ses grands-parents quoi, c'est qu'on se laisse déborder peut-être par le côté sentimental, qui est évidemment important, et que finalement, là, tu dis, il y a une écriture, il y a d'un seul coup se dire, il faut quand même que je... Oui, alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de me dire qu'ils n'allaient pas voir le film, que je n'allais pas leur dire que je le faisais. Donc, je les avais interviewés, mais j'ai fait un peu comme si de rien n'était. Je pense notamment que le fait d'avoir fait ce documentaire radio, où aussi on a... Donc là, on avait un formateur, et donc il y avait tout le temps la question de qu'est-ce qu'on doit aux gens qu'on interviewe. Bon, lui, sa réponse, c'était on leur doit rien. Alors évidemment, c'est quand même à nuancer, parce que si on fait un montage qui déforme complètement les propos, que la personne a l'impression d'être insultée, c'est délicat. Mais moi, je savais que j'allais pas rentrer ça allait pas poser problème dans mon film, mais je me suis dit, je ne vais pas leur montrer le film, je ne vais pas leur dire, et donc pendant l'année et demie où je l'ai vraiment écrit et produit, j'ai toujours éludé les questions sur mon travail, en fait. Mais à la fin, voilà, quand ça a été fini, j'ai décidé de leur montrer. Mais ça m'a énormément aidée à pas me soucier de ce qu'ils allaient penser. Et aussi, notamment, parce qu'en réalité, dans le film, il y a une anecdote que j'ai complètement déplacée dans la temporalité. Parce que ça marchait mieux comme ça. Mais alors, mon grand-père ne s'en est pas rendu compte. C'est lui qui la raconte, mais il n'a pas vu que j'avais décalé quand même de peut-être 15 ans. Je ne dirais pas ce que c'était. Mais ça se trouve, puisque c'est Adam Elliott, donc, qui a fait Marianne Max et qui a fait tous ses films, et qui dit à chaque fois, en fait, qu'il fait donc, lui mourir tous ses personnages, qui sont des personnages de sa famille, qui ne meurent pas du tout dans la vraie vie. Mais il dit, mais pour la dramaturgie, ça fonctionne mieux. Donc, comme quoi, il faut pouvoir aussi trafiquer un petit peu cette réalité, malgré tout. Bah oui, c'est ce que je pense. Et en fait, par exemple, mon grand-père, il m'a dit qu'il se reconnaissait complètement dans le personnage. Donc finalement, mon écriture est restée très fidèle, peut-être à ce que je voyais de positif en lui, et donc lui-même se percevait comme positif. Alors voilà, tout le monde est content avec cette image positive de lui. Mais ouais. Tu dis que tu voulais t'en sortir peut-être du Vietnam, mais j'ai lu, alors peut-être que c'est plus d'actualité, j'ai vu sur ton site qu'il y a un projet de court-métrage, encore, sur le Vietnam. Oui, alors c'est drôle parce qu'on m'a écrit, il y a un festival qui m'a écrit récemment pour me demander où j'en étais de la production de ce film, parce que si j'allais le terminer, ils seraient ravis de le voir et peut-être de le diffuser. Je n'ai pas encore répondu qu'en fait ce projet est abandonné. C'est du Nyokman dans le Cassoulet. Oui, c'est un film que j'ai écrit avant Saïgon-sur-Marne, avec lequel j'avais eu l'aide à l'écriture du CNC. Cette aide à l'écriture, donc, que j'ai évidemment utilisée notamment pour Dieu Nokman dans le Cassoulet, mais qui m'a beaucoup aidée pour l'écriture de Saïgon-sur-Marne, et à la fin de Saïgon-sur-Marne, j'avais plus envie de travailler sur le Vietnam. Je voulais changer de thématique. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon nouveau projet, alors, on n'est pas du tout sur le Vietnam, mais vraiment, la question de la famille est très, très importante. Et donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas complètement fuir. Allez, alors, puisque tu te lances dans l'idée de famille, en effet, la famille est importante, donc on l'a dans Saïgon-sur-Marne, on l'a aussi, alors, c'est pas ta famille, dans je crois que c'était un peu plus d'une minute, mais c'était La grand-mère perdue, qui était quelque chose que tu avais fait pour les grandes vacances, qui parle de l'Exode, notamment. Cette idée de famille, elle est très importante, on va le revoir, on en parlera tout à l'heure, évidemment, dans le spécial télé, mais c'est quelque chose de fondamental pour toi, dans ton travail. Mais, alors, maintenant, je me rends compte que oui. Mais c'est drôle parce qu'en fait, toutes les histoires que j'ai de films qui n'ont pas été faits ou faits pendant que j'étais étudiante, soit donc au DMA de l'ESSA, soit ensuite à La Poudrière, finalement, c'était pas du tout une thématique qui ressortait. C'est vraiment venu avec Du Nokman dans le Cassoulet, ouais. et Saïgon-sur-Marne. Et là, c'est vrai que par contre, j'ai pas arrêté de l'explorer depuis. Donc on en reparlera, on trouvera en tout cas dans l'idée de famille, là, peut-être agrandie, d'amis, c'est important pour toi de travailler. On va pas faire tous les génériques, mais les génériques, on retrouve évidemment des noms, comme Violette Delvoye par exemple, qu'on va retrouver, etc. C'est important de travailler avec des gens, une petite famille que tu connais, ou pas forcément, ou cette famille elle change et c'est très bien aussi. non, je pense que c'est important pour moi. Je pense que la loyauté, c'est un sentiment important pour moi, et c'est vrai que je pense que notamment Saïgon-sur-Marne, on va dire que c'est pas une thématique directe, la loyauté, mais en fait montrer une histoire d'amour qui commence jeune et qui ne s'arrête pas dans le film, c'est aussi parler d'une forme de loyauté, même si je suis pas en train de vous dire qu'il faut rester pour toujours avec la même personne. Non, mais il y a cette idée, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça a été travaillé avec les mêmes, chaque fois que des gens viennent ici, les mêmes collaboratrices, les mêmes collaborateurs, ou en tout cas des gens qui comprennent, notamment au niveau du son, j'ai travaillé des fois avec les mêmes personnes au niveau du son, notamment après, enfin, voilà, d'un seul coup de se dire qu'on nous comprend mieux quelque part à un moment donné, c'est pas forcément plus facile, mais oui, il y a quelque chose d'agréable. Oui, alors je pense que, par exemple, pour Violette Delvoye, bon, je ne travaille pas juste avec elle parce que c'est mon amie. C'est vraiment une super conseillère, c'est une très très bonne animatrice. Donc en fait, je pense que c'est quand... Enfin, je dirais que quand même, pour moi, c'est plus important cet aspect-là. C'est-à-dire de s'entendre bien avec ses collaboratrices et collaborateurs. Mais quand même, je ne crois pas que je travaillerais avec un ou une de mes amis si je pensais que cette personne ne serait pas capable de remplir le rôle. Je crois que, bon, malgré tout, la production du film, la fabrication passe avant. Pas avant l'amitié, mais dans les relations du travail, non. N'inquiète pas, je pense qu'on avait compris que ce n'était pas par rapport à l'amitié, mais c'est juste dire qu'en effet, je pense qu'aussi, ça permet de discuter que la personne a les qualités requises, et si c'est en plus un ami ou une amie, ça permet, je pense, d'avoir un dialogue constructif et même en richesse. Ouais. En tout cas, avec Violette, donc, qui a animé, je pense, la moitié de Saïgon-sur-Marne, ça a été très important de réussir, qu'elle me comprenne bien. C'était très fluide. Et donc là, j'espère que ça va être la même chose, car c'est moi qui vais travailler sur son film à partir de ce lundi. Parfait. Donc comme ça, ça vous rendez l'appareil. Nicolas. Oui, moi je me demandais aussi par rapport au film, tu dis que tu quittes le Vietnam après Saïgon-sur-Marne, tu rentres aussi d'une certaine façon dans la fiction et tu quittes le documentaire. Est-ce que tu avais vraiment une envie justement d'aller vers quelque chose d'autre, ou est-ce que tu pourrais revenir au documentaire par rapport à l'animation? Alors oui, je pense que l'approche documentaire m'intéresse toujours beaucoup, notamment parce qu'il y a j'ai l'impression toujours cette phase d'apprentissage, par exemple, de récolter des témoignages, donc, parce que bon, souvent l'animation documentaire, ça passe beaucoup par le témoignage, qui je pense m'attire beaucoup. Et alors je pense qu'en fait, pour mon nouveau projet, c'est pas tellement que je voulais rentrer dans la fiction, c'est que je voulais écrire un film pour enfants et que c'est passé par la fiction. J'ai l'impression que ça a été plutôt ça le processus. Il y a un autre thème qui est important, on va finir cette première partie sur ça, mais qui est l'ailleurs, et on va le voir que c'est évidemment quelque chose qui est important aussi dans le spécial TV. Il y a cette idée, et même des fois sur des commandes, c'est rigolo, tu as fait quelque chose qui s'appelle, je l'avais marqué quelque part, rêver d'un autre monde, qui est pourtant juste une bande-annonce que tu avais créée. Il y avait ça, mais il y a cette idée, et qu'il va y avoir ça, l'idée d'aller voir ailleurs, de découvrir des choses, peut-être découvrir des amis sur le chemin, mais il y a quelque chose comme ça. Mais on trouve ça aussi des fois dans Glacé, que tu avais fait, qui était... c'est un atelier sur Théodore Huchef où c'est Emma Vaccarello-Va qui parle justement de pas comprendre, enfin voilà. Oui, donc c'est un exercice de La Poudrière que j'ai réalisé avec Fabienne Vagenard. Et c'est un faux témoignage. D'accord. Donc c'est bien Emma Vaccarello-Va qui lit le texte, mais on l'avait écrit et on avait d'ailleurs ajouté des fautes. C'est pas tellement pour donner l'impression que la personne parlait pas bien français, mais c'était sur la sonorité des mots, parce qu'on avait fait une animation avec de la nourriture, donc ça devait être très organique. Des fautes que Emma ne faisait pas, par exemple. Oui, mais donc justement, on triche, mais encore une fois, j'ai dit, mais même si ça peut paraître bête dans une commande, mais dans le petit trailer, la petite bande-annonce que tu avais fait pour le festival iPrime des animateurs qui était dans les nuages, il y a toujours comme cette idée de, encore une fois, qu'on va peut-être retrouver, on va voir, mais qu'on retrouve dans le pilote de. d'aller voir ailleurs, que ça soit pour s'échapper de quelque chose, peut-être comme on va voir dans le projet ou chose, mais en tout cas, oui, d'aller vers l'ailleurs, c'est quelque chose de... Non, que t'as en tête ou pas forcément, hein, Alors, non. en fait, c'est vrai, je ne l'avais pas en tête, mais c'est vrai que maintenant, ça m'intrigue. Mais ce qui est vrai pour la petite vidéo, enfin, le petit film que j'avais fait pour Rêver d'un autre monde, qui était donc une vidéo pour teaser un concert, le compositeur est... En fait, donc on avait travaillé ensemble sur un projet à La Poudrière, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, sa thématique... me touchait énormément, puisque moi j'étais en train de faire Saïgon-sur-Marne, donc j'ai l'impression qu'on se comprenait là-dessus. Mais alors, après la question d'aller voir un ailleurs, je pense que, je veux pas extrapoler, mais moi je pense que d'avoir vécu avec tout cet imaginaire sur le Vietnam, en n'étant jamais allé au Vietnam, enfin j'y suis allée quand j'avais 24 ans, ça crée un ailleurs qui est très très très riche, qui est une terre énorme de fantasmes. Et donc, peut-être que ça a provoqué ces différents thèmes. Et donc, un festival qui a lieu à la Ferme du Buisson, qui s'appelle Si loin, si proche, résume vraiment exactement ce sentiment d'appartenir à un pays sans n'y appartenir du tout. moi, je me sentais vietnamienne, mais en fait, je ne suis pas du tout vietnamienne. Enfin, je... J'ai des racines vietnamiennes, bien sûr, mais... Donc, un rapport à l'identité, donc peut-être, ouais, de cet ailleurs où on retrouverait son identité complète. Qui est, à mon avis, d'ailleurs, l'un des grands sujets qui va être dans les prochaines années, justement, une fois qu'on n'a pas dépassé plein de choses, mais en effet, de quelle identité on est. Et je pense qu'on est beaucoup à être très mélangés et de se demander, finalement, que, comme tu dis, de quel pays on est réellement. Et ça va être vraiment passionnant. Ce qui est étonnant aussi, c'est que tu changes assez souvent de style graphique, même tu t'es lancé dans le papier découpé sur certaines choses. Alors j'ai pas tout cité, mais c'est vrai que entre Je m'enfonce, qui était quelque chose qui a été fait à la nef avec Koji Yamamura ou Grand-mère perdue par exemple, toutes ces choses là, je sais pas, c'est un je sais pas, tu t'ennuies quand t'es trop dans le même style ou c'est une envie, je sais pas, c'est Oui, alors ça, c'est, par contre, j'avais remarqué qu'en effet, je changeais beaucoup de technique entre le fusain animé, l'animation 2D, tradi. Là, donc, mon nouveau projet, c'est des... Donc, Saïgon-sur-Marne, c'est un film en noir et blanc, à la ligne, en animation 2D. Là, c'est un film en papier découpé numérique, très, très coloré, avec beaucoup de textures. En fait, non, je pense pas que je m'ennuie dans une technique. Par contre, je me souviens très bien que quand j'étais étudiante, je complexais de pas trouver mon style. Et finalement, je pense que j'ai enfin dépassé ça. Je ne sais pas. En fait, que finalement, je me retrouve plus dans l'écriture plutôt littéraire des projets. Et ensuite, je vais y chercher, trouver la technique qui correspond à ce que je veux faire ressentir. Et comme j'ai pas de style très affirmé, alors je me retrouve à faire des choses très différentes. Et par exemple, pour mon nouveau projet, c'est une amie à moi, réalisatrice et animatrice, qui dessine les personnages. Mais je trouve que ça fait une force que souvent, justement, alors quand on est prof, alors Nicolas, souvent quand on a un élève ou une élève qui a déjà un style, il y a quelque chose qui est... On peut presque rien faire, entre guillemets, j'ai rien à côté, ok, bah c'est le style, et puis des fois, bon, ça peut être un très beau style, hein, mais à côté, allez, c'est toujours un petit peu la même chose, et je trouve ça très agréable, je sais pas Nicolas ce que t'en demandes, mais d'avoir quelqu'un qui justement change et qu'on se dit pas forcément, ah bah là c'est du un tel ou une telle. Disons qu'on peut se demander aussi si les gens qui ont un vrai style trouvent des histoires qui correspondent à leur style, tandis que les gens qui n'ont pas un style affirmé cherchent un style par rapport à l'histoire qu'ils ont envie de raconter aussi. Et donc finalement c'est un peu ce que tu disais, t'essayes de trouver vraiment l'élément, le stylistique qui va correspondre à ce que t'as envie de faire. Par exemple, l'idée de croquer peut-être un petit peu tes grands-parents pour aller un petit peu plus dans quelque chose qui est un peu plus rapide peut-être, et qui évoque un petit peu le témoignage dans Saïgon-sur-Marne. Oui, tout à fait. C'est vrai que je dessinais pas du tout comme ça. Et c'est en faisant des petites recherches, alors j'essayais pour Saïgon-sur-Marne, de voir à quoi ça pourrait ressembler si on voyait mon grand-père en train de faire le repassage. Donc j'avais très fort cette image-là en tête. Et tout de suite, donc, je le faisais à la ligne. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça que je veux pour le film, et j'avais jamais non plus... Ils ont un côté un peu comme des petites caricatures, les personnages de Saïgon-sur-Marne, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait, et que je ne suis pas du tout en train de refaire, d'ailleurs. Et est-ce que tu croquais quand tu les interviewais aussi? Oui, mais pas de cette manière. Pas d'une manière aussi lâchée. Croquer, c'est de faire des croquis pour les gens qui ne savent pas, parce que ça peut faire un peu étrange pour les auditrices qui ne savent pas. Donc, pardon. Vas-y. Non, je me souviens que oui, je l'ai dessiné. Alors, je prenais quand même des notes en même temps pour savoir, pour pouvoir me retrouver ensuite dans les enregistrements. Mais je l'ai dessiné de façon plutôt réaliste. Ok. Alors moi c'est quelque chose que je trouve très fort, hein. C'est pour ça que souvent je pose Takahata Miyazaki par truc, c'est que Takahata change souvent, il change tout le temps, il va chercher les meilleures choses. Toi Marc, à Nova Anima, t'as des gens qui changent aussi énormément, parce que finalement Florentine Grelier que tu produis fait pas la même chose à chaque fois, et Elise Garten là avec Herbe Verte change complètement du style qu'elle avait fait. C'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est important pour toi, puisqu'il peut être compliqué aussi pour les dossiers CNC ou des choses comme ça, quand quelqu'un a son style, il y a quelque chose de rassurant. Comment ça se passe pour toi? En fait, Nova Anima, on conçoit Nova Anima un peu comme un laboratoire graphique, c'est-à-dire qu'on aime bien s'essayer à plein de techniques traditionnelles. Donc il y a toujours un peu un côté, un challenge comme ça, un peu induit par le médium en lui-même. Et puis après, c'est forcément le côté où on se met au service d'auteurs et d'autrices pour essayer de comprendre un peu ce qui fait la pertinence de ce médium-là par rapport à l'envie, une manière de lier le fond et la forme quelque part à chaque fois. Alors c'est vrai que on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce que dans une évidence d'une rencontre avec un auteur et une autrice, d'une rencontre avec un projet. Comment dépasser le coup de cœur et essayer de comprendre comment nous on peut le traduire d'un point de vue de la fabrication, de l'accompagnement sur l'écriture, de toute la maïeutique qui va avec, parce que forcément ça prend du temps pour essayer de comprendre parmi les intentions quelle est l'intention qui du coup va être motrice et va tenir le projet du début de la conception jusqu'à la fabrication et même se retrouver dans les éléments de communication pour accompagner le film en salle ou dans les festivals pour essayer de promouvoir le film. Donc, mais c'est cette part-là stimulante qui est chouette, en fait. C'est surtout dans les échanges, essayer de comprendre un petit peu comment, qu'est-ce qui se trame de profond, comment un auteur ou une autrice peut aiguiser son intuition et essayer de la traduire sous un axe d'écriture, un axe de réalisation, un angle. Et ce qui fait tout le sel de notre métier, quoi, c'est-à-dire la question du point de vue. Alors avant de passer enfin au projet, puis on parlera un petit peu de Nova Anima et des grandes productions et puis des prochaines productions, on va à Nicolas qui va, avant de nous parler donc de ce fameux Cartoon Forum, nous propose Strauss. C'est ça. Alors, on t'écoute. C'était totalement un hasard, je m'en suis rendu compte quand on parlait de Saigon sur Marne, qu'en fait le groupe que j'ai proposé, c'est un groupe vietnamien. Donc groupe de musique expérimentale vietnamien qui sort ici un nouvel album, donc c'est vraiment un album assez récent. Je serais absolument incapable de prononcer leur nom. Je sais pas si tu parles un petit peu. Non, je m'y essaierai pas. Donc je ne sais pas, Ram Kap Duoi, quelque chose comme ça, mais je serais incapable. Je pense que la prononciation doit être extrêmement mauvaise. Et en fait, donc c'est un album qui s'appelle Asterisk 1. C'est un groupe qui évolue entre des perspectives un peu, on va dire, électro, techno et de l'écofuturisme. Et qui propose ici, donc là c'est le premier morceau qui s'appelle Strauss, dans leur nouvel album qui vient à peine de sortir. Il est fort quand même, Nicolas. C'est-à-dire qu'il découvre après qu'en fait c'est. J'y ai pas pensé. C'est pas ça que je découvre, c'est qu'il n'y a même pas pensé en fait. Il est trop fort. Donc Nicolas, on va écouter Strauss, s'il te plaît. Merci. Voilà, pardon. Je crois que je vous l'ai dit, mais tellement de fois que mon moment préféré, c'était au moment où Nicolas faisait 10 antennes, mais c'est pas grave, ça fait une énième fois. Avant de parler du Cartoon Forum, il faut que je veux juste savoir ce qui s'est passé dans la tête de Aude. Alors c'est vrai que je suis désolé parce que normalement je fais toujours mon petit truc où je poste et je ne l'ai pas posté aujourd'hui, j'avoue c'est la rentrée, donc voilà. Donc Aude, ça s'écrit comme Aude, E-A-H-A-L-E-P-L-E avec là des accents. G-E, jamais, je suis nul à ça. Et vous pouvez taper sur son Vimeo, voir un peu ce qu'est-ce qui se passe. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire ça. Qu'est-ce qui se passe en 2014 quand Aude fait son film de fin d'études et elle fait Postiche, qui est complètement dehors, de près, pas de tout ce que tu peux faire, de ce que tu as fait, mais c'est voilà, une fiction, une espèce de mystère, il y a quelque chose. Je voulais juste savoir, voilà, je trouvais ça qu'un film très intéressant que je redécouvre en fait aujourd'hui. C'est que j'ai découvert aujourd'hui, en préparant l'émission, quand j'ai vu la première fois le film, je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'elle fait, et en le revoyant aujourd'hui, je trouve que le fait de faire le thriller, je ne sais pas si tu l'as vu Nicolas, mais de se lancer dans un thriller, dans quelque chose qui était presque un peu changeant, était intéressant. Elle a l'air complètement désespérée, c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Tu peux ne pas répondre, hein. Tu peux dire écoute, je peux t'en touche. Non, je peux expliquer. Alors je voudrais savoir comment t'as pu le voir parce que je ne pense pas qu'ils sont en ligne. Non. Mais je l'ai, c'est parti des. Non, alors oui, donc c'est pas un film très réussi en termes de rythme. Je pense qu'on comprend pas très bien l'histoire. En tout cas, la thématique que je voulais développer, qui reste à mon avis un petit peu vague dans la réalisation finale, c'est celle du coupable idéal et du faux coupable de la victime, du bouc émissaire. Et à ce moment-là, j'ai regardé beaucoup les films de Bong Joon-ho. J'avais adoré Memories of Murder et je pense que c'était ma référence principale pour ce projet. Non, on sent que dans le projet, le seul problème, c'est les fameuses 3 minutes de la produire qui vous obligent à faire très très court, alors qu'on sent qu'il y a une envie. Mais en le revoyant, j'avoue que quand le policier à la fin tient absolument et veut absolument soit le coupable, et juste parce qu'il a une posture, enfin voilà, potiche, et dire non, c'est lui, tu vois bien que c'est lui, il ment. Je trouve que justement, par rapport à violence policière, enfin voilà, autre, je trouve que ça fonctionne finalement bien mieux que quand je l'avais vu la première fois. Ben voilà, il faut peut-être le voir plusieurs fois, parce qu'en réalité, je ne vais conseiller à personne. J'enverrai aux gens qui veulent absolument. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas non plus mis dans la première partie, dans tous tes films, mais plutôt dans une seconde partie. Mais oui, encore une fois, c'est une... En tout cas, c'est intéressant de voir, c'est toujours intéressant. Je pense que vous n'aimez pas trop des fois les cinéastes, mais nous, c'est un peu notre boulot qu'on fasse tout le... depuis les débuts jusqu'à la fin, dire « Ah, t'as vu ce film-là que j'avais fait, mais pourquoi ?» Mais bon, voilà. Mais c'est vrai, juste pour finir là-dessus, que j'ai placé cette histoire de coupable idéal dans un contexte policier, mais en fait, c'était pas la police, mon thème. C'était vraiment... et moi, je m'inspirais plutôt de... Donc, j'ai parlé de Memories of Murder, donc c'est un film policier, mais de ce que moi, j'avais ressenti dans d'autres situations qui, en fait, n'avaient rien à voir avec la police. Oui, mais il y a cette idée donc d'être pris dans quelque chose parce que, voilà, on ne va pas tout raconter de film, de toute façon, il n'y a pas, mais parce qu'on a des petites choses, il y a soi-disant des indices qui font croire que, et puis finalement, ce n'est pas ça. Allez, Nicolas, qu'est-ce que c'est, je crois qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est quand même que ce fameux Cartoon Forum? Oui, on en parle quasiment tous les ans, mais cette année, justement, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les hasards font que l'émission a lieu 2 jours après la fin du Cartoon Forum, alors que des fois, on en parle 1 mois après. Et donc, cette semaine, notamment mardi, mercredi, jeudi, a lieu la 34e édition du Cartoon Forum, et cette année encore était à Toulouse. Et en fait, c'est pas un festival, c'est un forum de coproduction, donc un lieu où sont réunis les diffuseurs, acheteurs, producteurs, donc professionnels et aussi évidemment les auteurs-autrices qui sont liés aux séries animées européennes. Donc ça, c'est important de signaler que c'est d'abord européen et que c'est surtout consacré aux séries animées, contrairement au Cartoon Movie dont on reparle en général en mars ou avril, qui là est plutôt pour le long métrage. Et cette année, avec quelques pays non européens, notamment le Canada qui avait un projet, la Grande-Bretagne aussi, qui n'est plus vraiment un pays... européen non plus. Voilà. Et donc, en fait, il y avait 20 pays représentés, 76 projets qui ont été pitchés, donc dans des pitchs d'environ une vingtaine de minutes. En général, il y en a 3 en même temps, ce qui fait qu'on est obligé d'en choisir un, avec parfois des sessions où on aurait envie d'aller en voir 3, mais on en rate forcément, et des fois des sessions où on a envie d'en voir aucun aussi, il faut bien l'avouer. Et dont 32 français, et les français font toujours un peu la tête par rapport, enfin on est toujours en tête par rapport au nombre de projets présentés en termes de séries télé. Et donc en fait voilà, des producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices viennent pitcher des projets de séries télé. Alors juste viennent, est-ce qu'ils sont, pour en parler bien évidemment, c'est quoi ? C'est un choix qui a été fait par... C'est un choix qui a été fait au préalable, je crois que cette année ils avaient pratiquement 100-140 projets qui ont été envoyés, ils font une sélection de 70. Qui fait la sélection ? Donc l'équipe de Cartoon qui est une association belge, qui gère, on va dire, un petit peu toute la machinerie des différents cartoons, puisque en plus du movie, du forum, il y en a d'autres encore qui existent. Et j'avais essayé de regarder, j'avais l'impression qu'il y avait une équipe, enfin je le voyais pas, si c'est l'équipe en général, parce que j'avais pas vu qui sélectionnait, j'avais regardé sur le site. Je crois que c'est l'équipe. C'est l'équipe. Alors, d'accord. Qui dans l'équipe exactement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'équipe de cartoon qui sélectionne. D'accord, et après les projets sont invités. Voilà, les projets c'est sont gratuit. Enfin, invités, non, je crois qu'ils payent, à mon avis, et ce n'est pas très, très, enfin, c'est pas donné quand même. Je crois que l'accréditation, donc nous, la presse, évidemment, on est privilégiés, on est invités là-bas. Pour les professionnels, je crois que c'est 1 000 € l'accréditation pour les 3 jours, transport et logement non compris. D'accord. Si je me trompe pas. Voilà. Après, il faut bien qu'on vous paye vos cocktails. C'est exactement ça. Donc forcément, il faut que ça soit un peu... C'est quand même relativement cher, donc ça fait quand même un budget, notamment pour les producteurs indépendants. Oui. Et on a, alors ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment toujours les mêmes producteurs, et notamment des producteurs qui sont assez importants, on va dire, notamment dans la série télé. Pas forcément les plus intéressants à voir, mais par exemple, on voit Cybergroup qui est là à peu près tous les ans. Mais pardon, mais qui a un projet cette année avec ? Qui avait un projet. Cybergroup, tu m'as pas dit qu'ils avaient un projet avec Léane ? C'est pas Cybergroup ? Non, c'est pas Cybergroup, c'est Silex. Ah, je croyais que c'était Cybergroup. Non, Cybergroup, c'est un autre projet. Mais oui, c'est pour ça que j'étais surpris. Aucun rapport avec eux. On retrouve aussi généralement d'autres studios qui sont parfois plus intéressants, parfois moins, comme Les Armateurs, cette année, avec quelque chose qui n'était pas forcément fabuleux. TAT, par exemple, là aussi, voilà. Donc, et avec des projets qui se vont du preschool. La production, c'est juste Les As de la Jungle, Les Armateurs. Exactement. C'est Choupi. Par exemple. Pour parler des séries, pas parler des, voilà, de ce qu'ils font. Et là, c'était Pils pour TAT. Okay. Voilà. Donc, on a aussi pas mal de... Alors ça arrive de plus en plus. On a pas mal de studios qui sont un peu plus indépendants, justement. Dont, par exemple, Novanima. Vous étiez là déjà l'année dernière avec un fabuleux projet aussi d'Isis Le Terrier. Mais je crois que c'était la première fois avec Isis Le Terrier que vous étiez là, justement, dans un cartoon forum. On a aussi, par exemple, cette année, il y avait eu Le Tambour de Soie, les productions du Tambour de Soie, qui produisent notamment Alain Huguetto et qui est là pour une série dont on reparlera un petit peu après, co-réalisé par Agnès Patron et Sophie Nivelle, qui est une grande reporter. Et donc, vous avez quelques sociétés comme ça. Là, cette année, il y a aussi eu Sacrebleu, qui n'est plus une petite société, mais qui reste indépendante, qui était là encore. On a eu l'absence aussi de Miou, par exemple, et de Autour de Minuit, qui sont régulièrement là, mais qui n'étaient pas là cette année, par exemple. Mais donc, ça, on commence à avoir des productions indépendantes, des producteurs indépendants qui viennent vraiment proposer des projets, avec toujours environ... alors là, c'était pas le cas, par exemple, pour vous qui proposez pour Novanima un projet qui était plus enfant, mais on a aussi énormément de productions pour adultes qui sont proposées plutôt par des producteurs indépendants. Qui seront jamais, mais qui sont proposées, c'est déjà bien. Exactement. Il y en a peut-être quelques-uns qui arriveront à se faire, hein, on croise les doigts. Oui, mais... en projet adulte, en projet... Voilà. Il y en a quand même. Ado-adulte. Rarement adulte. Voilà. Il faut que ça soit adulte. Il y en a quand même quelques-uns qui sont plus tirés adultes, quand même, plus que ado-adulte. Mais voilà. Et qui ne sont pas uniquement trash, sexe ou. Et qui ne sont pas uniquement trash, sexe, etc. Le monde change, incroyable. Le film, le projet d'Agnès Patron, quand même. Qui est politique, par contre. Et qui est politique. Il faut qu'il soit politique. Il n'est pas trash, sexe, etc. Non, non, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit politique. C'est souvent assez politique, quand même. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà. Marc, c'est une. On l'a vu, sans entrer dans les détails, mais c'est quand même un budget pour y aller. On réfléchit avant d'y aller. On se dit, bon, ce projet-là, ça vaut vraiment la peine parce que. On peut toucher des gens, il y a tous les producteurs et diffuseurs, notamment évidemment européens. Comment ça se passe dans la tête d'un prod, d'une boîte de production? Disons que le Cartoon Movie ou le Cartoon Forum, c'est des évidences dans le calendrier pour pouvoir vraiment conclure la phase de développement d'un film et pouvoir se donner tous les arguments pour financer la fabrication de et pour nous d'autant plus que ça fait 17 ans qu'on existe, on fait du documentaire, beaucoup de courts-métrages d'animation, et on n'est pas trop sur des formes longues en fait, et donc au bout de 17 ans c'est naturel aussi d'aller vers un spécial 26 qui est pour moi un court-métrage, mais où on peut déployer une narration, qu'on soit des personnages, proposer différentes atmosphères et quelque part trouver un plaisir de faire ce qu'on fait dans le court-métrage, mais sur une forme un peu plus longue. Et c'est pareil aussi pour le projet d'Isis, Saison d'oiseaux, qui quelque part nous permet d'être dans une forme qui s'apparente à un moyen-métrage. Là, on est sur une durée cumulée pour Isis de 52 minutes, pour le spécial 26 minutes. Donc, on est sur des formes qui, nous permettent aussi d'évoluer, de grandir, et c'est des opportunités pour nous, en fait. Plus qu'Annecy, par exemple, pour directement pour un spécial télé ou pour série. Alors, ouais. Disons que Annecy, c'est un événement parmi tant d'autres, en fait, les pitchs. Alors que le Cartoon Movie ou le Cartoon Forum, c'est vraiment un espace dédié à des projets qui sont, pour le Cartoon Movie, en phase d'amorçage ou en développement, ou des projets qui ont besoin pas de se concrétiser et de, quelque part, d'avoir une rencontre professionnelle où sont convoqués tous les télédiffuseurs qui investissent, puisque pour les séries, la clé de voûte d'un financement d'une série, c'est le préachat ou la coproduction d'une chaîne de télévision. Sachant que ça, on ne l'a pas dit, mais il y a alors la totalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, évidemment, mais il y a 1000 personnes qui ont quand même rendez-vous à Toulouse, ce qui n'est pas rien, donc venues de l'Europe, et notamment, je crois qu'il y avait quelque chose comme entre 200 et 250 acheteurs et diffuseurs. Ce qui est donc tout le monde réuni au même endroit pendant 3 jours, enfin tout le monde, tous les Européens en gros essentiellement, donc c'est toujours un espace assez important, j'imagine, quand même pour un producteur, pour les rencontrer directement, plus peut-être encore qu'Annecy qui est un petit peu... c'est un événement parmi d'autres, comme tu dis. Oui, et puis on retrouve aussi des copains, copines, coproducteurs, coproductrices qui sont aux quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire que nos familles de cinéma, d'animation, on les a déjà, en fait. On est capable de coproduire dans plein de pays européens des courts-métrages. Et finalement, c'est une manière aussi de faire un nouveau compagnonnage avec une manière un peu différente avec des coproducteurs, coproductrices. Et puis essayer aussi de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres cadres réglementaires, trouver des financements complémentaires, et puis ça participe d'autant plus à la visibilité du projet une fois qu'il sera terminé, quoi. Je suppose qu'on vous dit, vous savez qui était dans la salle, quelle chaîne de télé, quel diffuseur, vous avez tout ça à la fin. Oui, alors c'est très bien fait parce qu'il y a une espèce de petit portillon comme dans les aéroports où on passe avec nos badges, et en fait on est... On sait qui sont dans la salle, donc voilà, donc ça nous permet ensuite de les contacter, d'organiser des rendez-vous et ou d'interpeller les personnes au débeauté, dans une file d'attente pour essayer de solliciter, d'en savoir un petit peu plus sur la perception du projet et puis de savoir comment on peut mettre en perspective une collaboration, quoi. On va parler après, évidemment, du côté artistique. Là, on parle juste du côté cartoon, mais on va parler après, Nicolas. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant cette année. Je trouve que, alors ça l'a toujours été, mais je trouve que ça développe de plus en plus depuis quelques années. On voit pas mal de noms qui sont issus du milieu du court-métrage et qui viennent, par exemple, pour faire de la série. Donc déjà, Aude, ici présente, par exemple. Mais aussi, cette année, il y avait Britt Reiss qui était pour Listen to Europe. Race, ok, désolé. Voilà. Agnès Patron, comme ça, moi aussi, on parlait déjà. On va bien le dire. Margot Remond également. Ou alors Loïc Espu, qui vient présenter encore un nouveau projet de série télé. Donc voilà, ça, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de passages, de passerelles entre le milieu du court-métrage et de la série télé. Il y avait Léane aussi. Ah oui, c'est Léane Deschapaz, voilà. Et tu oublies de dire qu'il y a aussi des. Comme au Cartoon Movie, il y a des stars du de YouTube ou les trucs comme ça. Non, vous avez droit. Ah oui, ça, j'avais oublié. Il y avait Cyprien, justement, YouTuber, qui était venu pour présenter un projet. Voilà, vous avez droit aussi. Et oui, l'animation, ça marche partout maintenant. Voilà. On a ça. Le pitch, c'est quoi? C'est 20 minutes. Vous restez ça. Ou c'est 10 minutes? Non, c'est combien? C'est 20 minutes et ensuite il y a des questions. Non, c'est juste 20 minutes et ensuite on s'en va. C'est rarissime qu'il y ait du temps pour des questions puisque c'est vraiment 20 minutes top chrono. Et en général, après les 20 minutes, c'est merci, au revoir. Et par contre, après, les producteurs, productrices ont un temps à la sortie de la salle pour discuter avec notamment les gens qui étaient dans la salle et qui seraient par exemple intéressés ou qui ont envie de faire des retours. Aude, c'était ton premier cartoon en tant que... En tant que pitcheuse, oui. Alors d'ailleurs, c'est mon premier film spécial télé. Et alors, comment c'est stressant? C'est un plaisir au contraire d'un seul coup de pouvoir présenter ça à d'autres personnes? C'est... Je sais pas comment ça dans les têtes. Alors en fait, moi j'avais eu la chance avec La Poudrière j'ai assisté en 2013, donc il y a 10 ans, au Cartoon Forum en tant que donc étudiante et invitée. Et donc j'avais une idée assez précise de la manière dont ça se passait. Je pense que ça m'a beaucoup rassurée. Et il y avait aussi que quand même à La Poudrière, on a dû pitcher des projets devant aussi des gens assez importants. Il y avait des gens de Canal, France Télé qui venaient. Oui, c'était stressant, mais pas. Enfin, comment dire, ça s'est bien passé. Puis bon, évidemment, on s'est entraîné et donc juste avant, je me sentais quand même. Je me sentais confiante. Marc, confirme. Il y a des coachs, on fait appel, on se dit on va parler de ça en premier, ça en deuxième. On essaye de réfléchir à ça, on essaye de voir le projet. Puis de toute façon, il faut que le projet. L'organisation ça, est bien faite. En fait, le cartoon nous met en contact avec un tuteur ou une tutrice. Là, en l'occurrence, c'était Clémence Braguard qui, lors de deux rendez-vous, nous a donné quelques conseils qui étaient les bienvenus pour affiner notre présentation et puis faire en sorte que ce soit fluide. Mais c'est vrai que... il y a plein d'écoles de pitch. Et entre les showman, showwoman, des présentations qui mettent en avant un peu plus, les personnages, d'autres qui vont mettre un peu plus en avant les scénarii. C'est ça. Il y a plein de façons de présenter les projets, mais c'est toujours essayer de trouver la façon la plus pertinente qui peut servir le projet, quoi. Finalement, Nicolas, 20 minutes, c'est plutôt bien. Moi, je déteste les pitchs parce que c'est très court et je trouve que l'idée de pitch est stupide. Enfin, ça vient de The Player. Enfin, d'autres Hollywood, The Player, dis-moi dans l'ascenseur ton projet en 30 secondes pour voir si ça marche. Là, 20 minutes, ça permet plutôt de développer les choses. 20 minutes, en général, c'est plutôt un bon format. Enfin, j'ai l'impression, parce que ça permet quand même de développer suffisamment de choses. Alors, peut-être parfois pas assez. Et après, tout dépend. C'est ça, en fait. Après, il y a des pitchs plus ou moins réussis. Des pitchs non réussis, ce sont des pitchs. Et là, on le voit assez facilement. Où il y a très très peu d'éléments par exemple déjà faits, déjà donnés, et en fait les gens vont parler d'autre chose pendant 15 minutes et essayer de parler pendant 2-3 minutes de meubler sur le peu qu'ils ont par rapport à leur projet. Ça arrive de temps en temps, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Cette année c'est arrivé peut-être une fois ou deux, mais assez peu quand même. Mais globalement non, c'est vrai que les 20 minutes, normalement en 20 minutes on a le temps de dire l'essentiel des éléments, surtout que, on le rappelle, c'est des projets qui sont parfois encore parfois quasiment à l'état du concept, parfois en développement. Parfois, mais c'est plus rare pour la série déjà en production. C'est plutôt du développement, ce qui fait qu'il y a déjà un peu de matériau, mais pas forcément encore trop. Et donc, on est déjà, en 20 minutes, on a un aperçu général de ce qu'on veut voir. Et puis surtout, 20 minutes pour, entre guillemets, draguer un peu les diffuseurs. Mais surtout, après, rien n'empêche justement les diffuseurs, les acheteurs, les producteurs, etc., de rentrer en contact avec les productions pour pouvoir avoir davantage, c'est-à-dire avoir des dossiers, des bibliographiques ou autres, les scénarios déjà proposés pour tel ou tel épisode, et discuter avec eux pour avoir davantage de renseignements. Donc toi, c'était un bon exercice, t'es content de... Visiblement, tu l'es, parce que tu nous l'as dit avant, mais ouais, c'était... Je sais pas, c'était... Parce que c'est quand même difficile, dire même si 20 minutes, c'est bien, de pouvoir... Enfin voilà, on n'a qu'en face des gens qui sont... Et il en faut aussi, bien sûr, dans l'économie, le côté plus économique, c'est... Ouais, c'est... Oui, alors moi, je trouve que c'est un bon exercice, déjà au-delà du fait que c'est utile pour éventuellement trouver des financements. Mais en fait, pour moi, c'était de devoir de nouveau résumer mon histoire pour qu'elle puisse être dite en 5 minutes, c'était une bonne chose. pour voir en fait quels éléments sont vraiment importants pour moi, parce que évidemment le scénario est quand même toujours un peu en travail, et ces moments-là où on n'a pas le choix de résumer les intentions et les enjeux du film sont très nécessaires. Alors évidemment, on peut le faire artificiellement en disant, bon, alors cette fois j'écris un résumé en une page, qu'est-ce que je peux dire, mais voilà, être forcé pour un pitch, c'est... Enfin, moi, ça m'a été utile. Nicolas, à part Agnès Patron, la plupart des noms, si je ne dis pas de bêtises, nous l'a dit, viennent de La Poudrière et Odossi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a que La Poudrière, tu connais bien, donc, alors en plus, on nous en a parlé, il y a des exercices, beaucoup d'exercices aussi à La Poudrière, vous faites même quelque chose, vous avez une adaptation d'un roman, enfin d'une œuvre jeunesse, on va dire. Est-ce que toi, tu ressens dans les noms que tu as vus, c'est une question auxquelles tu ne t'attendais pas forcément, donc si tu ne sais pas y répondre, ce n'est pas grave, mais est-ce que tu t'as, je ne sais pas, c'est plutôt vers cette école-là, comme s'il y avait une école... Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu avant, c'est-à-dire, alors, même s'il y avait moins de personnalités qu'on connaissait justement du court-métrage, mais qu'il y a pas mal, tous les ans, il y a au moins une ou deux personnes qui viennent de La Poudrière, j'ai l'impression, qui viennent proposer, que ce soit des 26 minutes aussi télé, c'est déjà arrivé, ou alors des projets vraiment de séries un petit peu plus longues, un petit peu comme si, c'est vrai que c'était... en même temps, La Poudrière, c'est une école qui forme à la réalisation. Donc forcément, souvent, ils vont se tourner à un moment ou un autre vers peut-être autre chose que simplement du court-métrage, aller vers la série, aller vers de la télé, ou aller vers du long-métrage, et ce qui fait qu'on les revoit régulièrement quand même au Cartoon Movie, au Cartoon Forum, d'autant plus que c'est peut-être l'une des rares écoles vraiment à former entièrement à la réalisation en animation, ce qui fait que c'est pas forcément surprenant de voir les gens qui sortent de cette école-là dans ce type d'événement. Et une réalisation quand même, on va pas repartir sur des maquettes très classiques. Alors, ça aussi, il y a un peu d'expérimental, comme on dit, à La Poudrière. Il y a peu ouais. de... Mais après, justement, on voit quand même des petites choses un peu différentes, je trouve, selon les personnalités. Et justement, c'est... Enfin, par exemple, je me rappelle, alors j'ai oublié son nom, mais il y avait par exemple une réalisatrice qui sortait juste de La Poudrière et qui proposait un 26 minutes, donc elle était italienne, et elle proposait un 26 minutes il y a quelques années sur le rapport à la mafia en Italie. Avec Victoria Mucci. Voilà, Victoria Mucci. Avec la prise de vue réelle et un mélange d'animation prise de vue réelle et autour d'un sujet qui était quand même assez fort. Donc là, je pense qu'en termes de réalisation, c'était pas forcément quelque chose de très classique pour autant. Par contre, après, on a des cinéastes qui sont peut-être un peu plus classiques. Par exemple, là, le projet de Loïc Espuche était peut-être beaucoup plus enfantin, beaucoup plus classique, mais ça correspond peut-être un peu à son univers aussi, quand on voit son film de fin d'études à La Poudrière, qui était là aussi assez amusant, assez joyeux, et qui correspond un petit peu à son film. Alors, avant de passer au choix musical de Marc, toi, tu as regardé des 26 minutes, il y a des choses, je ne sais pas, alors l'un des 26 minutes qui a le mieux marché, c'est Drôle d'oiseau de Charlie Belin, par exemple. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a des 26 minutes où tu te dis justement, bah ouais, tiens, j'ai envie d'aller vers ce format-là, ou pas forcément? Alors non, c'est pas du tout ça ce qui m'a motivée. En fait, j'ai pas regardé énormément de 26 minutes. Enfin, une fois que j'ai commencé à écrire mon projet, je me suis quand même un peu plus intéressée à ce format. Le film de Charlie Belin, je l'ai vu deux fois. Je l'adore. Je le conseille à tout le monde. Mais par contre, c'est pas du tout ma manière à moi de raconter une histoire. Non, moi, en fait, je me suis inspirée de ce que j'aimais quand j'étais enfant, de ce qui m'a marquée. Et donc, c'était pas des 20 minutes, c'était des séries. Mais voilà, je suis restée sur ce format-là. Allez, on va donc parler juste après La Lande Verte, mais on va écouter d'abord Kandaiki, donc d'un groupe qui s'appelle Momol Hands. Marc, c'est toi qui nous l'a proposé, je pense que je prononce mal. J'ai essayé depuis le début de faire Momol, mais bon. Mamad Hands. Pourquoi ce choix? Il y avait trois choix, c'est moi qui ai décidé dans les trois choix de faire ça, donc d'écouter ça, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, en fait, dans leur interprétation. Il y a quelque chose d'assez entêtant et mélodique qui me plaît assez. Et quand j'ai des coups de mou, j'écoute ce morceau-là, en fait. Hein, voilà. Il me fait du bien. Bon, bah parfait, c'est pour ça. Si je pense que j'ai choisi, ça nous changeait. Puis c'est vrai qu'on n'écoute pas suffisamment on écoute un peu de jazz, mais pas suffisamment de jazz un peu plus moderne. Donc voilà, donc on écoute et on enchaîne sur le morceau 6. Merci Nicolas, à tout de suite. Thank you. L'histoire de la Verte Lande. C'est l'incroyable aventure d'une péniche et de ses trois habitantes. Oui, toi Libotte, moi et Enola. Et moi, je suis pas dans l'histoire ? Si, mais tu arrives plus tard, va pas trop vite. Donc, pour s'échapper de l'orphelinat et de son terrible directeur, elles construisent dans le plus grand secret un magnifique navire. Mais arrête, tu gâches mon effet. Mais c'est pour qu'on voit mieux. Bon, j'arrive un jour. Minute papillon, tout le monde ferme les yeux. C'est bon ? Maintenant, imaginez. Alors qu'elles fuient sur leur bateau, nos trois héroïnes rencontrent un petit anneau chouineur qui cherche sa maman. Je suis pas un chouineur. Enfin, peut-être un tout petit peu. Elles décident courageusement et généreusement de l'aider. T'étais pas trop pour au début, n'est-ce pas ? Mais les agents de l'orphelinat sont lancés à leur trousse. Pour aider l'agneau chouineur, elles vont devoir se déguiser, tromper leurs ennemis, trouver des alliés et compter. Est-ce qu'à la fin, l'agneau chouineur retrouve sa maman ? Ah ah ! Excellente question. Au dernier moment, ils se rendent compte. Qu'est-ce qu'il y a ? Le directeur de l'orphelinat ! Et voilà, c'était nous, donc vous étiez nous, c'est pardon, on parle évidemment comme d'habitude, on l'a lancé dans notre conversation d'avant. On a entendu après, Kandaiki, le morceau de Normal Hands, on a entendu la Verte Lande, qui est donc la bande-annonce, en tout cas le pilote de ce spécial télé dont on parle plus ou moins depuis tout à l'heure. On arrive enfin, Nicolas, je te laisse la parole, c'est toi qui étais au pitch, moi j'ai vu le pilote, on a parlé un petit peu des 26 minutes, est-ce que tu nous fais un pitch, toi, tu nous fais le résumé du film ? Le résumé, ce serait mieux que ce soit la réalisatrice qui nous le fasse. Justement, je voulais savoir toi ce que tu avais eu. C'était vraiment l'un des projets qui nous a vraiment le plus plu là-bas. Ouais. Du coup, c'est vrai que juste après, en discutant avec Marie-Pauline, à qui on ne peut pas se faire un coucou, puisqu'elle n'est pas parmi nous aujourd'hui, malheureusement, on s'est dit que ce serait très intéressant de vous avoir dans l'émission. Donc, c'était vraiment trois jours avant. Mais tant mieux, vous étiez à Paris à ce moment-là aussi, donc ça tombait parfaitement. Et donc oui, c'est vraiment probablement l'un des deux ou trois projets, justement, comme tu disais, d'animation pour enfants, qui nous a le plus intéressés et qui sortait un petit peu de l'ordinaire pour moi. C'est-à-dire déjà d'un point de vue aussi technique, au niveau de l'histoire qui était assez intéressante, où en fait, on va le voir quand vous allez le raconter, mais il y a des éléments un peu fantastiques, etc., tout en n'étant pas simplement quelque chose de ultra drôle tout le temps ou de ultra classique en termes de narration, justement. Donc c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir vu ce pilote. Enfin, bon. Le pilote et la présentation. Déjà, vous avez conquis au moins deux personnes, Marie-Pauline. J'espère plus. Voilà. Et Nicolas, le pilote, il est un peu comme ce pilote. Alors, il y a eu 400 coups, mais le pilote de Ma vie de courgette, ou dans Ma vie de courgette, c'est le casting du personnage. Et là, en fait, c'est les personnages qui nous racontent. C'est l'un des personnages qui nous raconte l'histoire. C'est toi qui as eu. Comment s'est passée cette création de ce pilote, déjà ? Alors en fait, j'avais écrit une autre version du scénario du pilote, j'avais fait l'animatique et Marc m'a finalement dit que c'était trop sombre ce que j'avais décidé. Donc je suis allée me promener une heure et je suis revenue et je me suis dit d'accord, on va changer d'angle. En fait, j'avais choisi dans ma première version une scène du film dans laquelle j'avais quand même ajouté des éléments pour qu'on puisse comprendre les enjeux globaux. Et en fait, je me suis dit que je devais changer, oui, c'est ça, changer d'angle. Et j'imagine que j'ai des inspirations, mais alors c'est sorti tellement tout seul. Là, je ne pourrais pas les retrouver. En tout cas, je n'ai pas pensé au teaser de ma vie. Non, l'idée, c'était de prendre finalement, de ne pas être directement au chemin dans le film, mais d'avoir des personnages, parce que c'est pas tout à fait la même chose que Ma vie de courgette, parce que Ma vie de courgette, c'est le casting du personnage. Donc là, on est dans deux choses complètement différentes, mais c'est l'idée de ne pas être directement dans une scène, et ça marche plutôt bien, justement. Marc, enfin, bon, t'es producteur, mais je trouve que ça marche plutôt bien d'avoir ce personnage et de se laisser presque un peu piégé, finalement, et d'un seul coup, fait « Mais moi, j'arrive dans le... » Et « Ah bah tiens, finalement, c'est cette histoire-là. » Bah écoute, c'est tout l'art de... Je sais pas comment résumer un film en 20 minutes dans le pitch. C'est aussi, dans le parti pris de notre présentation, c'était d'axer sur le scénario. Donc on a pris un peu plus le temps de faire ce déroulé-là et puis d'aller jusqu'au bout de l'histoire. et que quelque part le point de vue soit mis dans le teaser en fait, hein. Et donc ce point de vue là, c'est ce qui me plaît aussi dans le travail d'Aude, c'est-à-dire la mise en scène, elle passe par le mouvement, un sens du découpage qui fait que on a une narration qui est elliptique et on arrive toujours à, et puis un ton, c'est-à-dire insuffler une énergie à ces personnages-là qui sont capables de rebondir, de couper la parole, de se reprendre parce qu'ils font, ils ont des petites scories quand ils parlent et que je trouve ça très chouette parce que quelque part on est dans quelque chose qui est pas forcément lisse en fait, hein. Et l'autre point de vue aussi, c'est on s'adresse à un public jeune, mais on travaille aussi sur des sentiments qui sont pas forcément tout roses en fait, hein. Donc ça c'est intéressant aussi de comprendre que dans un groupe il y a aussi des jalousies, il y a des rivalités, et Aude s'en saisit pour amener de la profondeur à sa mise en scène, hein. Et juste aussi, c'est vrai, on l'a pas encore fait, c'est pour ça que j'avais demandé aussi. Est-ce que tu peux justement essayer, sans le faire peut-être jusqu'au bout, faire le pitch un petit peu? Mais oui, maintenant j'allais dire résumons le film, alors on t'écoute, Aude. Donc en fait, La Verte Lande, c'est l'histoire de trois orphelines, une phoque, une chienne et une chatte, qui ont fui leur orphelinat et essayent d'atteindre la mer, parce qu'elles savent qu'une fois qu'elles seront au large, les agents de l'orphelinat et le terrible directeur ne pourront plus les rattraper. Donc elles sont dans cette quête, mais elles sont interrompues par l'arrivée sur leur bateau, avec lequel elles fuient, d'un petit agneau, un petit garçon qui cherche désespérément sa maman. Et ça les met toutes les trois dans une situation où alors qu'elles étaient plutôt soudées, elles avaient un objectif qui était clair, finalement ce que leur propose le petit agneau, en fait, il va leur demander de l'aide, donc il va leur parler de sa maman. Et en fait, elles ont toutes les trois un rapport à la famille qui est très, très différent. Et donc, finalement, il va y avoir une scission dans le groupe sur est-ce qu'on l'aide, est-ce qu'on l'aide pas. Déséquilibre ce groupe et les met en danger, puisqu'en fait, elles n'ont pas vraiment de temps à perdre non plus. Voilà, est-ce que je vais plus loin dans l'histoire ou... Peut-être, mais en même temps... Je pense que c'est assez intéressant, parce qu'évidemment, il leur arrive encore pas mal d'histoires, il y a pas mal de rebondissements aussi, mais je me dis peut-être que ce serait bien de pas déflorer la suite avant de voir aussi... Alors, je suis désolé, c'est vrai que des fois le métier c'est ça, de parler de références, pas forcément, mais je trouve que de plus en plus, il y a l'idée de montrer, alors qu'on a eu du mal pendant longtemps à montrer des thèmes plus durs, pour les enfants, et ne pas hésiter. Il y a encore quelques années, un film comme Phantom Boy ne marchait pas tant que ça, parce que les parents ne voulaient pas amener voir leurs enfants, voir un enfant qui était malade, alors qu'aujourd'hui... Et en plus, pour Phantom Boy, il est sorti en plein milieu des attentats. Alors oui, mais je pense qu'il y a toujours cette idée. Je raconte toujours la même histoire, je suis désolé, mais qui est Totoro et Le Tombeau des Lucioles, qui sortent en même temps au Japon, la même séance, c'est-à-dire que les gens voient et Le Tombeau des Lucioles et Totoro. En France... c'est encore difficile. Donc je me demandais ça, est-ce que justement des choses comme le tombeau des films japonais, on a beaucoup été élevés là-dedans, vous donne envie, vous, peut-être une nouvelle génération, je ne sais pas, de parler de sujets un peu plus durs pour les enfants? Mais alors moi, je pense que comme quand j'ai commencé à écrire ce projet, j'avais jamais travaillé sur une série télé, donc j'avais fait un court-métrage, je m'étais intéressée qu'à des productions de court-métrage où on est très très libre sur les thématiques. Je me suis... en fait, pas vraiment poser la question. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce film, j'avais l'intention qu'il dure 12 minutes. Donc, j'allais pas rentrer dans cette logique de télé. Comme beaucoup de gens qui écrivent des films pour les enfants, j'avais envie d'écrire un film pour l'enfant que j'étais. Et en fait, mes références, enfin, sont des... donc, c'est sûr que Miyazaki et Takahata, ils ont eu une énorme... influence, rien que pour motiver l'enfant que j'étais pour faire du cinéma d'animation par la suite. Mais je dirais que l'œuvre à laquelle j'ai le plus pensé pour faire ce film, c'est la série qui est d'ailleurs japonaise, Rémi sans famille, tirée d'un livre français, qui m'avait fort marqué quand je regardais la télé. Donc je pense aussi que j'avais pas tout à fait conscience de cette problématique de parler de thématiques difficiles pour les enfants, puisque moi, à mon époque, quand j'étais enfant, finalement, il y avait moins de filtres. Voilà. Donc, juste pour rappel, dans Rémi sans famille, un orphelin est acheté par un gars qui va lui faire faire des spectacles, qui est assez gentil avec lui. Ils ont des chiens, un singe. Bon, les chiens se font manger par les loups. Le singe meurt d'une pneumonie. L'homme Vitalis qui s'occupe de lui, en fait, lui sauve la vie une nuit d'hiver dans la neige en se couchant sur lui pour le protéger du froid, mais meurt lui-même. Voilà. C'est super triste, dès qu'on parle de famille, tout le monde fait la tête. se rappelle de ça et tout. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait... Mon film n'est pas aussi sombre. J'allais le dire, ouais. J'allais dire, c'est pas... Quand Marc te dit, faut surtout pas que tu prennes cette scène-là pour le pitch, d'un seul coup, on se dit, tiens... En fait, je pense que c'est comme quand on a préparé le pitch. En fait, au début, j'avais écrit une version de l'histoire qui était très factuelle. Je pense que quand on prend que les faits dans mon film... en effet, c'est assez tragique. Mais finalement, c'est tout le temps dans ma manière de faire la mise en scène et surtout de penser les dialogues, c'est tout le temps contrebalancé par une sorte d'énergie que les personnages ont. Ils se chamaillent, ils se taquinent. Alors là, évidemment, ma référence principale, c'est mon frère, la relation que j'ai eue avec lui. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je n'avais pas vraiment envie d'appuyer, qui est trop de pathos. Enfin, par exemple, dans mes films, il y a souvent peu de musique aussi. Alors, je pense que là, il va y en avoir. J'ai quand même envie d'appuyer certains moments, le sentiment d'aventure. Mais en fait, j'aime bien aussi la place que laisse le silence pour les émotions, surtout celles qui éclatent, en fait. Et je pense que voilà, ça c'est aussi des choses qui contrebalancent. D'ailleurs, dans l'idée de famille et dont tu parles de ton frère, on aurait pu parler de ce petit film qui est l'oreiller de la discorde. Où il n'y a pas de son en plus, où là c'est carrément où ça. Il y a une version avec du son, d'ailleurs c'est mon frère qui l'avait faite. Oui, c'était un petit film, c'était une petite boucle que j'avais faite pour le site, que je ne sais pas s'il existe encore, Loop de Loop. Et ça montre deux enfants dans la voiture qui n'arrêtent pas de se chamailler et leur mère a placé un oreiller entre eux pour qu'ils ne se chamaillent pas, mais ça ne marche pas du tout, jusqu'à ce qu'à force de chamaillerie, l'oreiller passe sur le pare-brise, il y a presque un accident et la mère... très très en colère, remet l'oreiller entre eux et c'est reparti pour un tour. Oui, ça c'est tout à fait un souvenir d'enfance. Nicolas ? Alors moi je me pose la question justement, comment est-ce qu'on passe du 12 minutes au 26 minutes et comment est-ce que le producteur intervient par rapport à ce qu'il y a une intervention du producteur quand on sait que c'est pour la télé et qu'il faut d'une certaine façon pouvoir séduire peut-être un petit peu un diffuseur. Est-ce qu'on se dit on va moins dans quelque chose de sombre ou est-ce qu'il y a quelques petites choses comme ça ? Alors Aude d'abord et puis Marc. Je peux commencer. Ouais. Alors en fait, moi, j'ai pas du tout eu l'impression que Marc et Magali Eria, qui est l'assistante de production de Novanima, qui a beaucoup suivi mon projet. En tout cas, il n'y a pas eu de censure. Il y a peut-être eu des discussions, mais en tout cas, jusque-là, j'ai été quand même assez libre de faire ce que je voulais. Après, j'ai travaillé avec des script doctors et c'est plutôt là qu'on m'a fait cette réflexion. Il y a eu des versions qui étaient trop dramatiques. Je pense que là, on arrive à une version qui ne l'est plus. Juste avant que tu marques, c'est intéressant parce que Momoko Seto, qui était là, qui fait un long métrage, disait à quel point le fait d'avoir travaillé avec un scénariste, d'aller travailler avec un scénariste, d'aller nous raconter de série sur TF1, enfin, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle faisait, mais il avait aidé pour comprendre des fois des enjeux qu'on n'a évidemment pas toujours dans le court-métrage de scénario et d'écriture. Toi, ça a été un peu ça, là, sur peut-être certaines personnes avec qui tu as pu travailler ou discuter. Mais, comme on en est encore au stade du développement, qu'on est en train de finir, c'est difficile, en fait, ouais, d'évaluer. Je pense qu'on verra quand on sera dans la production et que là, est-ce qu'on sera obligé ou pas de se plier à certaines exigences ? Je ne le sais pas encore. Marc ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, on existe depuis 17 ans, en fait, presque que grâce aux chaînes de télévision locales. Hein. On n'a pas les mêmes façons de concevoir la relation aux auteurs et aux autrices quand on a un tel diffuseur qui met très peu d'argent en fait et qui finalement nous laisse un espace de liberté c'est assez récent en fait d'avoir des interlocuteurs qui sont des télédiffuseurs nationaux et avec lesquels Voilà, on est très curieux de connaître leur point de vue, en fait. Hein. Ce travail avec Hélène Vessière pour Arte, c'est très instructif, en fait. Hein. On essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est son moteur, en fait. Hein. Depuis 20 ans, à accompagner des courts-métrages, à les lire en profondeur, à avoir le sens du dialogue, essayer de le questionner. Et de pouvoir nous faire des remarques et de se dire, en fait, que bon, moi, ce qui fait qu'en 17 ans, j'ai aussi appris à prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir appris ce métier-là en étant dans des comités d'experts de lecture, de lire à peu près 60 projets par an, en moyenne, depuis 17 ans. Et du coup, de comprendre que c'est pas parce qu'on est lecteur au CNC que notre avis est gravé dans le marbre, en fait. Hein. Donc c'est aussi à l'auteur et à l'autrice, à un moment donné, de dire non, ça j'y tiens, en fait. Hein. C'est important parce que il y a un moteur profond qui m'anime, et ça, en fait, c'est ça que j'ai envie de défendre, quoi. Ouais, sauf que peut-être que là, la différence, et ce qu'on nous dit régulièrement ici ou ailleurs dans les rencontres qu'on fait, c'est que si tu commences à avoir des gens, alors certes nationaux, même internationaux, il y a évidemment d'un seul coup, je ne sais pas moi, la chaîne allemande qui va pouvoir dire « oui, mais nous, on ne peut pas faire ça », ou la chaîne, et d'un seul coup, protéger, comme tu dis, son auteur, son autrice, va être, je pense, est plus complexe, visiblement. Moi, j'aime bien l'exercice. En fait, là, on est sur des séries, on est 26 minutes, où on reste sur des économies à échelle humaine, en fait. Hein. C'est-à-dire que si on ne va pas trouver un partenaire au Japon ou dans un pays tiers, c'est pas grave, en fait. Hein. Le film, on peut le financer en France. Et si on ne finance pas avec telle chaîne, on se démerdera peut-être avec une économie peut-être un peu moindre. On y arrivera quand même. Donc voilà, c'est un peu une tournure d'esprit un peu particulière. Après, tu m'inviteras, dans 5 ans ou 10 ans, quand j'aurai fait des longs-métrages avec des coproductions, avec des budgets énormes, peut-être que je te dirai que j'étais un peu emmerdé, quoi. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, on est en train de terminer notre premier long-métrage d'animation en stop-motion. On a un budget de 2,5 millions d'euros, ce qui paraît complètement surnaturel pour un long métrage de cette ambition-là. En fait, on y arrive. Mais après, c'est sûr qu'il y a des petits moments de solitude quand on attend la réponse de tel ou tel partenaire pour essayer de se dire ce serait quand même sympa qu'ils y soient, qu'ils soient embarqués dans l'histoire et qu'on ne soit pas à hypothéquer notre maison ou essayer de comprendre comment arriver au bout du projet, quoi. Pour énième rappel, hein, je sais qu'on le dit régulièrement, mais quand même c'est important, le budget d'un long métrage, parce que 2,5 millions, ça peut faire paraître beaucoup, évidemment, pour beaucoup de gens qui écoutent, mais c'est vrai que c'est à peu près entre 3 millions en Europe, en tout cas, et 10 millions pour les un peu plus chers, très rarement un peu au-dessus, et qu'aux États-Unis, je répète toujours la même chose, mais c'est quand même important de savoir que les budgets sont entre 150 millions et 200, 250, voire des fois 300 millions de dollars pour des longs-métrages, donc évidemment, on est sur une économie... Oui, tu as raison de le préciser, il faut le répéter pour le grand public, c'est une réalité, en fait, ça prend beaucoup de temps, faire de l'animation. Et ça paraît des sommes astronomiques, mais bon, voilà, ça reste aussi dans l'esprit de ce qu'on aime faire avec pour un cinéma dont on est à l'initiative de production déléguée et indépendante, quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin, on le répète à chaque fois, des spectateurs et spectatrices qui viennent, parce que malheureusement, il y a beaucoup de films qui ne marchent pas en salle. Et là, cet hiver, d'ailleurs, va être, en tout cas au niveau du long métrage, très important pour le monde de l'animation, puisqu'on va avoir Lina veut du poulet, Nina et le secret du hérisson, Sirocco. Et je crois que j'en oublie au moins un ou deux autres importants. Mars Express. Mars Express sort aussi, donc d'un seul coup, et donc ça va être important. Il y a eu malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films, des bits très fort comme le titre de Sol, hein. Ouais, c'est ça, Sol pleureur, Sol aveugle, femme endormie, voilà, j'arrive jamais, etc. Le film de Florence May, etc. Enfin, il y a eu pas mal de choses, donc voilà. Revenons à un côté, ce qui fonctionne super bien dans le pilote, c'est que dès qu'on le voit, on est, je dis pas qu'on tombe amoureux ou amoureux des personnages, mais de suite on a l'impression qu'on réagit de suite sur ces personnages-là. Comment c'est, je sais pas, comment tu les mets en place, les dialogues, comment d'un seul coup, on se dit, tiens, ce personnage-là, ça va être le personnage fantasque. On en a un qui bouge beaucoup, on en a un qui va se cacher, au contraire, enfin, etc. Comment on les écrit, ces quatre personnages? Déjà, les quatre qu'on voit. Hein, Alors, bon, déjà, ça me fait très plaisir, ce que tu dis. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse, mis à part le fait que, pour moi, ça a été très difficile. J'ai écrit beaucoup de versions du traitement, et une des choses que je me suis dit à un moment, c'est que je réécrirais pas un film avec autant de personnages principaux. Je me suis vraiment mise des bâtons dans les roues, je trouve, en faisant ça, même si je pense que si j'arrive à mener ce projet jusqu'au bout, et c'est ce qu'on espère bien sûr, eh bien ça aura valu le coup. Mais écrire les arcs narratifs de quatre personnages plus celui du trio, qui doit être considéré comme un personnage, et évidemment tous les arcs narratifs des personnages secondaires, donc qui peuvent être un peu moins précis, ça a été difficile. D'ailleurs, au début, elles n'étaient pas trois, les orphelines, il y avait quatre personnages, donc j'en ai déjà tué un. Hein. Là, je reste avec ceux-là. Mais voilà, donc j'ai pas... Mais je me demandais par rapport à... J'avais l'impression de voir ton... Tu vois, toi, dans Saigon, t'es bondissante, enfin voilà, ton père aussi est bondissant, etc. Et j'avais l'impression, comme si je revoyais pas, mais des personnages que t'aurais pu écrire pour d'autres films, et d'un seul coup, de les voir dans ce film-là, avec, voilà, le personnage qui va être fantasque, le personnage, au contraire, un peu plus, comme j'ai dit tout à l'heure, timide. Mais alors, tout à l'heure, on parlait du style graphique, que je n'ai pas vraiment... Enfin, que j'en ai pas un qui s'est affirmé, mais peut-être que, par contre, j'ai une sorte de style de personnage. Je pense que donc ouais. C'est là, dans cette forme d'écriture, qu'il y a plus de ma personnalité, enfin, de façon plus singulière. Les personnages qui sont très vivants, les voix, c'est les voix définitives, a priori, ou Alors, Il sourit, là, on est à radio, donc des fois, on est obligé de dire un petit peu, donc on sent qu'il y a quelque chose. Alors, en fait, il y a trois petites filles qui ont fait les voix, et donc deux sont les filles de Marc Faye. Elles ont été extraordinaires, elles ont pris vraiment ce travail très au sérieux, elles connaissaient très très bien le texte, elles m'avaient déjà envoyé des versions, elles s'étaient entraînées pendant les vacances avant qu'on fasse l'enregistrement. Un enregistrement qui s'est décidé très vite. Et elles l'ont fait très sérieusement, en vraiment mettant de leur cœur. Et moi, c'est sûr que si le film ne se fait pas avant qu'elles muent trop, ouais, alors je serais ravie de les réembaucher pour toute la suite. Ouais, parce que ça fonctionne super bien. Alors bon, c'est bravo, on fait travailler ses enfants. Marc. Je les amène aussi à Radio Libertaire. Parce que c'est vrai qu'elle était venue. Carlotta était venue en 2012. Carlotta était venue tout à fait. Ouais, donc. Ouais, c'est une envie, parce que c'est vrai que ça fonctionne, hein, Nicolas. Ça fonctionne très très bien, les voix. C'est vrai que on peut bien penser que c'est des enfants acteurs, sans aucun problème. C'est moi qui avais demandé. C'est pas Marc qui... Et donc Marc, c'est... Pourquoi pas enregistrer même peut-être avant, non? Ou non, ça coûterait trop cher d'un seul coup de se dire on fait quand même l'enregistrement de toutes les voix, il faut que les dialogues soient faits, il faut que tout soit évidemment écrit. Oui, c'est... l'enregistrement des voix arrive en amont, mais peut-être pas à ce point-là dans l'écriture. Il faut bien sûr, pour eux, arriver à sentir le bon équilibre dans l'écriture du scénario. Il y a le storyboard, parce que le storyboard, c'est la mise en scène. L'animatique, c'est aussi pas mal de passes pour questionner le rythme, la narration, des échanges avec un autre collaborateur ou collaboratrice qui est quand même super important, c'est le monteur. Et donc c'est nous, on fait un peu de maïeutique, mais le monteur ou les monteuses sont aussi super importants dans le processus de fabrication. C'est pas simplement savoir faire des points de coupe, mais c'est surtout avoir une grande qualité d'écoute et comprendre un peu comment ça peut servir le projet, quoi. Et un vrai méchant quand même. En tout cas, on le voit à la fin un tout petit peu. Nicolas, tu peux peut-être en parler plus. Moi, dans ce que j'ai vu, il apparaît presque comme une ombre terrible à la fin, ce directeur. Oui, il y a un vrai méchant. J'ai fait ce choix de le rendre presque caricatural, en fait, de l'affirmer comme un méchant. En fait, finalement, comme on voit souvent dans les dessins animés pour enfants, j'imagine qu'il y a quelque chose qui répond à un besoin de développement des enfants. Et en fait, ce que je voulais, avec ce méchant qui est le directeur de l'orphelinat, mais aussi ses sbires, c'est d'apporter un côté un peu grotesque au film. Et donc, en fait, un humour un peu particulier qui dédramatise la situation, mais en continuant à les rendre très menaçants. Il a un petit côté presque, alors j'ai vu juste de dos, un peu accroché, dans Peter Pan, je sais pas, il a un côté un peu comme ces personnages qui sont à la fois des méchants, mais dont on peut rire aussi un tout petit peu. Alors, non, c'était pas mon but. Non, en fait, moi, je voulais qu'il représente une sorte de très grand... Enfin, qu'il soit très fort. Et qu'il soit d'une force virile, en fait. C'était ça, le méchant. Trois petites D'accord. orphelines contre la force virile. C'est vrai que quand on voit l'atmosphère de la bande-annonce, moi, j'avais plus l'impression, justement, de voir une ombre menaçante comme presque un film d'horreur, quelqu'un qui arriverait comme ça pour aller récupérer les trois enfants. Donc, moi, j'avais vraiment plus cette impression-là de force virile, quand même, justement. Donc, on est plus sur la nuit du chasseur. C'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça, sur ce personnage comme ça, terrifiant et qui... pas forcément que du politique, parce que quand tu l'as dit, c'était plus la force virile. T'as employé le mot viril par rapport aux trois jeunes petites filles. Il y a un côté un peu politique sur le patriarcat, non, sur les hommes, sur des choses comme ça. Je dirais que de toute façon, un film, c'est toujours une couche de sang sur une couche de sang sur une couche de sens, que tout peut pas être perçu. Mais en fait, moi, j'avais envie d'avoir un méchant qui ne serait pas un méchant efféminé, comme quand même... que moi j'ai beaucoup vu dans les dessins animés quand j'étais petite. Donc je me suis dit, bah, si c'est un homme et qu'il n'est pas efféminé, alors bah, en fait il va être viril. Parce que j'avais envie de, voilà, de changer un peu de méchant. Je ne voulais pas de Jafar, je ne voulais pas de... Voilà. Alors on va faire une pause. Marie-Pauline n'est pas avec nous, donc on pourrait croire qu'on n'allait pas avoir The National. Eh bien si, on va quand même avoir The National pour faire un petit coucou. Et puis parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau de The National que j'adorais. Et je ne savais pas que c'était eux. Et cet été, j'étais obligé d'écouter parce que Marie-Pauline nous parle tout le monde de The National. Parce que je me suis dit, je vais me faire toute la discographie. Je me suis fait toute la discographie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau que j'adorais, qui est tiré, que j'avais vu dans un film de l'Animation Workshop, dans un petit court-métrage Animation Workshop, il y a quelques années, en volume. Et le titre s'appelle Slow Show. Et c'est un titre absolument, absolument magnifique. Où c'est là, des fois, c'est un peu terrible parce que quand vous rendez compte, c'est que j'avais bien aimé le cours, mais quand vous écoutez les paroles sont terribles. C'est un type qui essaye de s'excuser parce qu'il a fait des conneries à sa femme, etc. Et tout. Et donc, d'un seul coup, le cours est devenu beaucoup moins intéressant que quand je ne savais pas les paroles et quand j'écoutais pas les paroles. C'est une très très belle chanson, en tout cas, Slow Show. On écoute, donc, qui doit être le morceau 7, si j'ai pas fait trop de bêtises, Nicolas. C'est ça ? Des fois, tu m'inquiètes quand This tu regardes. This is called Slow Show. At the punch table, swallowing punch. Can't pay attention to the sound of anyone. Little more stupid, little more scared. Every minute, more unprepared. Made a mistake in my life today. Everything I love gets lost in droves. I wanna start over, I wanna be winning. Way out of sync from the beginning. I wanna hurry home to you. Put on a slow, dumb show for you. Crack you up so you can put a blue ribbon on my brain. God, I'm very, very frightening. I'll overdo it. Somewhere to stand and stay. I leaned on the wall leaned away. Can I get a minute and not being nervous and not thinking of my day? My leg is sparkles, my leg is pins. I better get myself together, better gather myself in. You can draw a line in my head in 5 minutes from one side of it to the other. I wanna hurry home to you. Put on a slow, dumb show for you and crack you up so you can put a blue ribbon on my brain. God, I'm very, very frightening. I'll overdo it. réfléchis donc. Comment il y a des tractations en dehors des choses et tout. Donc voilà. Nicolas, tu voulais redire un petit quelque chose par rapport au projet de Aude ? Non, c'était bon. Courage. On a hâte de voir le projet chez nous. Est-ce que vous avez eu des. Rapidement, sans dire de non, sans dire des bons contacts, Marc ? Ou c'était encore un peu trop tôt de toute façon? Oui, bon, c'est toujours un peu trop tôt, mais concrètement, c'est bien parce que on a mis dans la pupille des yeux des financeurs, le projet de Odd. C'est notre boulot maintenant, essayer de les relancer. On sera un peu plus, je pense, début 2024. Ça prend toujours un peu de temps, mais en tout cas, oui, le film a été bien, le spécial a été bien reçu. Merci. Et puis c'est on vous tiendra au courant de l'actualité. On a parlé de beaucoup de choses. C'est difficile de parler d'un projet qui est en train de se faire. Et est-ce que on a parlé tout à l'heure, on dit à chaque fois que tu changes de graphisme, est-ce que là tu peux nous parler, tu nous en as parlé un tout petit peu mais pas suffisamment, donc encore un nouveau une nouvelle piste. Oui, alors cette fois donc le film il est peint à l'aquarelle, enfin les décors sont peints à l'aquarelle et les personnages aussi qui sont des marionnettes. Et d'ailleurs, les personnages sont... les personnages principaux ont été dessinés par Aline Kertin, donc qui est une amie à moi, mais aussi une réalisatrice de films d'animation. Et que je remercie. Donc c'est des nouvelles choses, mais c'est pas mal. Il y a, vous savez, c'est mafia. Donc elle a deux mafias, Aude, la mafia de la Cambre et la mafia de la Poudrière. Donc voilà, elle joue avec ces deux grandes écoles. Ça va, il y a pire comme collaborateur et collaboratrice que ces deux belles écoles. Nicolas, tu voulais nous parler. Ah, de Cartoon Forum. D'un ou deux projets, voilà. Ou de deux ou trois projets. Ouais, alors quelques projets, il y a quand même quelques petites choses qu'on a vues là-bas qui sont particulièrement intéressantes et qu'on aimerait bien faire. Et juste, pardon, Marie-Pauline Palam, elle a dit qu'elle te faisait complètement confiance sur les projets que vous avez aimés. Oui, alors en plus, on va parler de pas mal de projets. Alors, il y a trois salles au Cartoon Forum, une bleue, une rose, une violette. Et la violette est surtout consacrée aux productions peut-être un peu plus indépendantes. Vraiment, on va dire, des projets un petit peu plus d'auteurs ou ado-adultes essentiellement là-dedans. C'est d'ailleurs la salle dans laquelle vous étiez pour le film aussi. Et c'est pas mal de cette salle-là dont on va parler un petit peu, avec quelques projets particulièrement intéressant, notamment par exemple un faux documentaire tchèque qui s'appelle Happily Never After, qui a été assez passionnant. Donc, alors, les deux réalisatrices s'appellent Gabriela Lutz et Alzbeta Gobelova-Zatlukalova. Voilà, j'ai réussi à. J'espère prononcer à peu près correctement, voilà. Et donc, en fait, on va détourner un petit peu les contes pour enfants dans un faux documentaire où on a un spécialiste du conte qui va d'un pays à l'autre, donc à un pays par épisode, rencontrer des personnages de contes de fées et voir ce qu'ils peuvent devenir actuellement. Et en fait, c'est une série dans laquelle on ne va pas juste vraiment, c'est pas vraiment pour enfants, c'est une série qui est un petit peu décalée. On va vraiment voir justement, par exemple, la Baba Yaga. Qui va tuer quelqu'un, se faire arrêter, jeter en prison, etc., etc. Et on va reprendre aussi des éléments politiques très actuels par rapport à ces éléments-là et par rapport à des personnages, notamment une sirène un petit peu enveloppée et son rapport au corps, à la séduction ou autre, et pas mal d'autres personnages comme cela. Merci, c'est incroyable des fois ce que la radio, les images, merci Marc, ça a l'air... Oui, c'est très... C'est très graphiquement très, très fort. Enfin voilà, il y a un côté très... Très fort, oui, assez graphique. Très graphique, quoi. Très graphique, il y a un côté très clair. Mais cartoon, enfin, il y a un côté un peu cartoon. Et la productrice qui était présente disait justement qu'elle avait... Alors, je crois que elle n'était pas la seule productrice, mais celle qui était là disait qu'elle avait notamment produit d'auteur d'Aria Kacheva. Voilà. L'une des productrices de Dotter. Ce court-métrage à 1 million d'euros. Voilà. Alors, autre projet un peu décalé et assez particulier. Au début, on se disait, oui, ça va juste être un petit truc pour enfants banal. Je ne sais pas si toi, tu connais Alexis ou les autres, le réalisateur qui s'appelle Mick Maggi, qui est estonien. qui avait fait apparemment un court-métrage assez bizarre dans un stop-motion, mais vraiment avec des personnages assez moches et assez particuliers, qui s'appelle The Old Man, apparemment très connu en Estonie. C'est un projet estonien là aussi, et c'est un autre 26 minutes. Alors là, il passe en 3D, il s'appelle Christmas in the Boonies, et en fait les Boonies, c'est un groupe d'enfants qui s'est rencontré un petit peu avant, dans un précédent court-métrage. Et dans le précédent court-métrage, c'est un petit garçon des villes qui arrive à la campagne et qui, avec un groupe de nouvelles amies, découvre que il y a une photo qui se met à vivre, apparemment. Et pourquoi la photo vit, les grimaces qu'elle fait, c'est très particulier. Et à la fin, ils s'aperçoivent qu'en fait, la photo d'un homme qui est mort depuis des années et qui est là, avait juste envie de faire pipi et ne pouvait pas. Et donc, il fallait simplement la mettre aux toilettes pour que tout aille bien, que tout aille mieux. Et là, apparemment, s'ils veulent faire un truc de Noël en mode comédie musicale complètement loufoque, avec deux éléments qui vont se passer. Une petite fille qui a disparu dans une espèce de trou de verre, et qui est partie dans une autre dimension qui devrait ressembler à de l'animation 2D, style Ralph Bakshi, en comédie musicale complètement déjantée. Et un autre où apparemment le jardin est hanté par une créature un petit peu mystérieuse. Donc on part dans un univers qui est assez loufoque. Alors, le fait que ça soit estonien, ça veut dire que ça va peut-être pouvoir être fait. C'est ça. Parce qu'il y a quand même de l'argent. Exactement. En Estonie. Pour ça, on a une chance. Et donc, de l'argent pour ce type de projet, particulier, super. Ça, c'est clair. Et c'est un spécial 26. Et c'est un spécial 26 aussi. Autre projet beaucoup plus sérieux. T'es dessus, c'est ça? Non. Ou alors c'est un concurrent, c'est ça? Non, très fan, très, très fan. Autre projet, toujours dans cette merveilleuse Purple Room, donc salle violette. Projet beaucoup plus, là aussi, sérieux. C'est le projet de Sophie Nivelle-Cardinal et Agnès Patron, qui est développé par les films du Tambour de Soie. Agnès Patron, qu'on avait déjà reçu ici et que les auditeurs peuvent connaître, peut-être, parce qu'elle avait fait L'Heure de l'Ours, pour ce film qu'on avait reçu. Incroyable. Voilà, qui avait été là aussi à Cannes et qui avait gagné le César à l'époque. Ouais. Et Sophie Nivelle-Cardinal, qu'on connaît peut-être moins dans le milieu de l'animation, et pour cause, c'est une journaliste grand reporter de guerre et qui a d'ailleurs reçu le prix Albert Londres il y a 7-8 ans, je crois, maintenant. Et en fait, c'est elle qui est à l'origine du projet. Et en fait, dans des épisodes d'environ 8 minutes, elle parle là aussi du témoignage. C'est vraiment une série documentaire, des témoignages de gens qui ont participé, on va dire, comme elle l'explique elle-même, à modeler un petit peu le Moyen-Orient entre 1967 et 1995. Donc, dans une période où, vraiment, il y a eu énormément de conflits, énormément de groupes qui sont formés dans cette période-là. Et elle va interroger certaines personnes qu'elle a rencontrées un peu au gré de ses pérégrinations, on va dire, en tant que journaliste de ses reportages. Et en fait, elle va leur demander de parler de leur vie, de leur implication dans tel ou tel mouvement de lutte dans le Moyen-Orient. Et en fait, à partir de ces témoignages, elle va demander à Agnès Patron, justement, de pouvoir essayer de parler, d'évoquer ces projets. Et Guampa and Guamma, c'est parce que, en gros, grand-père et grand-mère ont fait la révolution. C'est parce que ces personnages, ceux qui avaient peut-être 20 ans, 30 ans en 67, sont aujourd'hui évidemment plus âgés. On va les montrer dans leur vie quotidienne de tous les jours pendant une minute au départ, avant de replonger dans leur existence à cette époque-là. Ouais, c'est ça qui est vraiment très bon dans ce projet. C'est le fait de parler de gens qui, soi-disant, ont un certain âge et qu'on pourrait dire, mais qu'on fait cette raison qui a été à un moment donné tellement crucial, qui continue malheureusement à l'être. Et c'est un très, très beau projet aussi. Ouais, très, très beau projet qu'on a vraiment, on espère vraiment voir fait. Et là, justement, ça rentre un petit peu dans la ligne éditoriale aussi des Tambours de Soie, qui étaient habitués avant les productions d'Alain Huguetto à faire énormément de documentaires. Donc là, on retombe un petit peu sur ce côté-là. Et après, on va changer un petit peu de salle pour un autre projet ou deux. On va passer dans la salle peut-être la plus mainstream, la salle bleue en général, avec notamment un projet qui pourrait plaire à Alexis, qui s'appelle Donjons et Chatons. De Clément de Ruyter. Voilà. Tout à fait. Donc, super. Donjons et Chatons, qui est, comme le titre l'indique un petit peu, pas une parodie, mais quelque chose qui est un peu inspiré de Dungeons and Dragons, où en fait le créateur a fait un jeu de rôle. Donc Donjons et Chatons. Un petit peu plus peut-être jeune public, un petit peu plus ado que les dont Dungeons & Dragons justement, avec quatre petits chatons. Et ici, on est dans une série, série feuilletonnante, ce qui est quand même assez rare et ce qui est bien, c'est bien de le rappeler, avec quatre petits chatons qui viennent d'être bannis un petit peu de leur ville ou qui choisissent d'être bannis et qui vont partir à l'aventure dans une forêt, etc., pour essayer de revenir, d'être réacceptés dans cette ville, parce qu'on les accuse d'être des traîtres et d'avoir trahi pour la cause des chiens, qui sont évidemment les grands méchants de l'histoire. Donc là, on est dans un projet plus enfant, clairement aussi, mais vraiment assez amusant, avec des personnages qui sont vraiment assez mignons. On sort quand même sur le côté tout mignon des chats, mais je pense qu'avec une solide écriture, c'est un projet qui peut vraiment plaire à pas mal de monde, et peut-être justement Alexis, notamment quand tu vois le petit chat qui pleure et qui est triste avec sa petite boule de laine qui part sur les chemins dans la forêt. Je pense que toi, ça peut te plaire. Je pense, et en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que Clément Drouetta, on parlait de gens comme Aude qui n'ont pas forcément le même style. Clément Drouetta n'a pas le même style, mais quasiment depuis, il a fait les SAT comme Aude, et il a ses projets. C'est vrai que c'est lui-même est un personnage, de toute façon vous mettez de vous, hein, souvent dans les films, et il y a un peu de lui aussi dans tous ces personnages de chat qui fait, qui met, et j'espère, produit par, c'est Xylem qui, parce qu'il bosse avec Xylem depuis des années. C'est pas Xylem, je ne sais plus qui produit Donjons et Chatons. Que Xylem tente autre chose. Je pense que... c'est pas grave, t'embête pas, c'est juste que comme il a bossé longtemps avec Xylem, les Mandoriter, je trouvais ça chouette que... Xylem sorte de Olivier Les Cafons. Oui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Bon, mais bon. C'est pas grave, je prends cet autre dans la Blue Room. Alors celui-là, c'est un projet qu'on connaît par rapport au court-métrage, c'est le projet Britress. Donc Race. Oh, j'y arriverai. Ça va prendre du temps. Donc qui est Luce et le Rocher, donc qui est son court-métrage qui avait été sélectionné dans énormément de festivals, qui avait remporté une des dizaines de prix un petit peu partout dans le monde, et qu'elle adapte en série télé. Et je pense que c'est un projet, elle l'a vraiment très bien défendu, très bien expliquer, où elle va vraiment développer le côté émotion, justement, avec toujours ce même type d'univers qu'elle va étendre, c'est-à-dire que l'univers qu'on a dans Luce, par exemple, peut être encore un petit peu étendu avec des forêts, des montagnes, etc. Et en fait, on va aller à la rencontre de personnages assez intéressants. Et là, c'est justement, évidemment, toujours pour les, on va dire, peut-être 4-8 ans, quelque chose comme Moi, j'aime bien Lucène. Et c'est vraiment très, très beau, ça a l'air vraiment magnifique. Et je pense que c'est un projet comme ça qui peut tenir assez facilement en série. C'est rigolo, je pense que quand tu dis assez bien défendu, on a vu le code, c'était plutôt bien défendu aussi au pitch. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération d'animatrices, d'animateurs qui sont maintenant habitués au pitch, alors que je pense qu'avant, et maintenant aux médias, etc., mais que ça avance dans le monde de l'animation, alors qu'à une époque, on n'aurait jamais... les pitchs... J'avais parlé avec Psychonautas, Alberto Vasquez, qui disait détester les pitchs, qui ne comprenait pas pourquoi il était obligé d'aller là-bas, enfin, etc. Et je sais pas si tu ressens non, ça. Bah, j'ai l'impression justement que les nouvelles autrices, nouveaux auteurs arrivent là-bas en sachant ce qu'est un pitch peut-être. Je sais pas s'il y a des... tu disais, je crois un petit peu, peut-être qu'à La Poudrière, on fait un petit peu des pitchs, des sessions de pitch où on s'entraîne un petit peu. Et je pense que c'est vrai qu'ils sont conscients que c'est une étape par laquelle il faut... malheureusement peut-être ou pas passer pour évoquer les projets auprès des professionnels. Et donc peut-être que vous êtes davantage habitué au pitch, mais en tout cas on vous sent bien à l'aise. Oui, ça avait été le cas, nous on avait été entraînés, et je pense en effet que c'était utile. Ah bah, faut dire que quand on se retrouve devant Hélène Vessière quand on a 20 ans ou 22 ans pour présenter son court-métrage, c'est pas évident, avec tout le respect que j'ai pour Hélène évidemment, mais c'est vrai que voilà, c'est... c'est une vraie question. Et un dernier. Marc. Molly Blues, peut-être. Molly Blues, qui est un projet là plutôt adulte, ado-adulte, avec des baleines. Et c'est un projet que, justement, la réalisatrice, dont j'oublie le nom, s'appelle Lucie Lachimia. Voilà, Lucie Lachimia, merci. A défendu en expliquant qu'on voyait beaucoup, beaucoup de films, séries, etc., avec des mauvais pères. On n'en voyait pas beaucoup avec des mauvaises mères. Et là, c'est une baleine qui travaille dans une mairie d'une ville, donc vraiment sous l'eau, qui découvre qu'elle a eu un enfant avec un hippocampe quelques années avant, donc moitié baleine, moitié hippocampe, qui est donc une société régie en caste, et là que l'enfant est hors caste, et qui a déjà un enfant, mais qui n'aime pas particulièrement s'en occuper, qui en a un petit peu marre, qui se retrouve avec l'autre sur le dos, et qui va vivre un petit peu quelques aventures aussi. Et donc on est vraiment dans une métaphore un petit peu de la société contemporaine, qui a l'air vraiment assez incroyable d'un point de vue d'écriture. Dassou, on fait des oui quand vous avez parlé des projets, donc ça veut dire que c'est des projets qu'elle qu'on l'air bien. On valide. Marc, on n'a plus beaucoup de temps. Novanima, donc le long métrage, tu m'as donné il y a plein de cartes postales. La vie en gros. C'est La vie en gros. De Christina Dovkova, oui, qui est un premier long métrage d'animation qu'on est en train de terminer en coproduction avec Barletta et Novinsky, qui sont une société de République tchèque et slovaque. Et donc voilà, c'est un film en stop motion et qui raconte la vie de Ben, qui passe du primaire au collège et qui est victime de grossophobie. Voilà, et Ben, il aime bien cuisiner, il aime bien manger, il aime bien slammer les menus des recettes qu'il compulse dans des grimoires de recettes. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une grande vitalité. Et le film raconte un peu le parcours de résilience de Ben, qui apprend à s'aimer lui-même et qui, voilà, mais surtout, c'est un. Fait évoluer le regard des autres enfants sur lui et voilà, parce que en passant au collège, il s'est rendu compte que ses copains, copines ont grandi, changent de morphologie et lui est resté un peu poupon, un peu grand enfant. Et voilà, donc c'est le film est très très chouette pour voilà, les amateurs de Claude Barras, parce que c'est un film qui parle de thématiques qui sont dures, tout en y insufflant une énergie, un plaisir de l'animation qui est vraiment communicatif, quoi, voilà. Justement, en parlant de ça, dans le côté en tout cas politique, en tout cas le côté voilà, que tu peux avoir aussi dans Novanima, elle est visible là, toute la série que tu as fait, donc sur le, alors là j'ai la carte postale de l'IVG, il y avait sur la peine de mort, etc. c'est tout ça, c'est alors ça peut intéresser évidemment énormément le oui alors sur notre site internet il y a pas mal de films qui sont visibles, voilà, et puis après il faut juste nous écrire un petit mail, on envoie des liens assez facilement, voilà, on essaye de les faire circuler grâce au travail de l'agence du court métrage, d'Unifrance, voilà, qui sont des partenaires essentiels à la diffusion de nos films, mais aussi des agences culturelles. Certains de ces films ont été en avant-programme, par exemple, dans le réseau des salles de cinéma de proximité Cina, en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est quand même pas mal, parce que c'est plus de 200 salles où sont projetés des courts métrages. Là, à l'heure actuelle, c'est Le Temps de Mario Pron qui est diffusé en avant-programme, mais chaque année, c'est des nouveaux films qui le sont selon voilà, l'actualité. Et donc en ce moment, en actualité, on est en train de terminer le film Soleil Gris de Camille Monnier, et Voir le Soleil se lever dans la Lune de Charles Nogier, voilà, je l'espère, feront l'actualité aussi des festivals. Voilà. Et puis on diffusera aussi Sheila, qui est un documentaire qui a reçu les étoiles de la SCAM tout début décembre au MK2 Bibliothèque, dans le cadre du festival Vrai de Vrai, organisé par la SCAM. Voilà. Donc on continue en même temps nos activités de production de films documentaires. Voilà, donc il y aura Les Choses d'une Vie de Céline Segalini, on a Bergère sans terre de Lucie Francini et de Chabina Orcade, et puis Terrain glissant de Christelle Véron. Voilà, donc on plein de films qui vont faire l'actualité, qu'on est vraiment très fiers de porter, d'accompagner, et puis voilà, et puis du mordant aussi. Toujours bienvenue pour essayer de voilà, d'accompagner les autres projets qui sont en cours de fabrication. Et il y a quelqu'un qui nous est cher évidemment ici, parce qu'elle a participé beaucoup, c'est Florentine Grelier. Évidemment, donc Florentine, elle a des, même si elle vient de faire les petits pois avec Francis Gavel, qui est aussi très connu des auditeurs et autrices de Radio Libertaire. Il y a déjà des choses ou non pour l'instant, elle se. Oui, sans trop dire, trop en dire, hein, on va pas. Non, j'attends qu'on en reparle avec Florentine, voilà, de son projet. Voilà, on était vraiment très heureux qu'elle nous propose le projet de Francis, qu'elle a fait avec Francis pour l'accompagner en festival. On fait ça de temps en temps, comme on a pu le faire pour le projet de Tito en Bordeaux, Bye Bye Lida. Voilà, c'est des chouettes films voilà, qui permettent permettent aussi voilà, d'avoir des parcours d'auteurs et d'autrices qui amènent de la continuité. Et puis j'attends un peu aussi avec impatience le prochain projet de Florentine. Florentine doit travailler normalement sur ces fameux écrans d'épingle dont on a parlé régulièrement ici. J'ai eu la chance à l'AFKE lors de rencontres de voir les premières images du court-métrage de Pierre Luc Grandjean, qui, je peux vous dire, est absolument sublime ce qu'il a fait sur l'écran d'épingle. Cette chance, c'est les bottes de la nuit. Les bottes de la nuit, qui est absolument magnifique. On devrait avoir Cerise Lopez, assez passionnante, qui devrait travailler dessus aussi bientôt, et Nicolas Ligori, qu'on attend aussi avec impatience, comme Florentine. On verra si Florence Millaille se lancera de nouveau. Mais en tout cas, voilà, ce qui est bien avec l'écran d'épingle en France, c'est qu'à la différence de celui de l'ONF, même si c'est des gens comme Michel Lemieux, qui sont très, très talentueuses, bien sûr, mais en tout cas, on a des styles différents, et ça qui est chouette. Oui, et puis il y a le travail que fait Alexandre Noyer aussi pour démocratiser l'écran d'épingle et le rendre accessible à plus de réalisateurs et réalisatrices. Quoi. Alors qu'un peu différent de l'épingle. Alexandre Noyer, il faudrait qu'il change juste le nom. Enfin bon, on va pas commencer comme ça, mais il n'y a pas d'émission après, Nicolas ou... Bon, quelque chose à dire, c'est rare. Hein. Normalement, on a. Bon, Nicolas on va pas l'embêter dedans, mais il y a 5 minutes. Moi, je vais en profiter alors pour remercier toute l'équipe de Novanima. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, Magali aurait dû être là aujourd'hui, mais elle n'est pas là, donc elle travaille sur son scénario. Oui, c'est ça. C'est... Et puis, donc elle s'occupe du développement chez Novanima, donc elle accompagne de beaucoup de projets. Il y a Sacha aussi qui s'occupe du développement des projets et puis de la direction de production. Marina qui s'occupe de l'administration et puis Julien qui s'occupe de la post-production. Il y a Léonore qui s'occupe aussi des documentaires. Donc voilà, on essaye de réunir nos forces pour essayer de d'année en année faire ce qu'on sait bien faire. Quoi. Et puisqu'on a 5 minutes, les plumes d'oiseaux d'Isis Le Terrier, on les voit quand? Alors, Isis, elle part la semaine prochaine à Nimcart, qui est un forum de coproduction dédié au film en stop motion à Lodz. À Łódź. Si on doit vraiment reprendre tout, voilà, c'est ça, pour avoir les bons... Et puis la série est en convention de développement avec France Télévisions. C'est un format, le film s'appelle Saisons d'oiseaux, et donc ce sera 4 fois 13 minutes et 13 minutes pour chacune des saisons de l'année avec... qui convoquera toute une les variétés d'oiseaux nécessaires à raconter un peu les saisons de l'année, que ce soit des variétés endémiques ou parfois un peu plus concentrées sur une variété d'oiseaux ou parfois un peu plus chorales selon les saisons, en convoquant plein de variétés d'oiseaux. Et le film se fabrique actuellement à Angoulême. Est-ce que tu choisis les projets, puisque j'étais là sur le... comme tout bon producteur d'animation, avant tout sur le visuel, même si le sujet est important, ou des fois tu peux avoir un sujet qui t'intéresse et que le visuel n'est pas forcément celui-là, ou alors quelqu'un qui t'envoie un visuel et le scénario n'est pas celui-là, et dire ce serait bien qu'on travaille avec un scénariste, est-ce qu'il y a des choses où il faut que tout soit présent quasiment? C'est très rare maintenant qu'on choisisse des projets qui ne sont pas portés par des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont un savoir-faire dans l'animation, parce que c'est quand même très compliqué de trouver des financements. C'est bien quand même qu'il y ait ce savoir-faire-là, et forcément l'accroche visuelle est très, très importante. Mais pas que, voilà. C'est des films qui ont une nécessité, et que cette nécessité soit communicative et fasse que l'on puisse s'engager souvent pour 2 ans, 3 ans, entre l'écriture, la fabrication et puis l'accompagnement des films en festival. Donc c'est un compagnonnage il faut être plutôt marathonien que coureur de fond, que sprinter dans l'animation. Alors je demande ça parce que je pensais aussi l'une des problématiques qu'on a, dont j'espère on parlera un jour, on en fera peut-être un débat ou un sujet ici, qui est en effet que malheureusement on passe beaucoup par le visuel, et quand je dis malheureusement, on aime ça et ça fait partie intégrante évidemment de l'animation, mais des fois je vois des gens qui ont des visuels absolument incroyables, mais pour moi en tout cas, pas forcément des choses incroyables à dire, ou... pas une question incroyable, c'est d'aller dire des choses. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait des scénaristes ou des gens qui les aident à travailler avec leur graphisme. Et puis des fois aussi, l'inverse, c'est de dire ah, c'est dommage, on pourrait peut-être aller vers quelque chose d'autre. Et il y a peut-être, à la différence de la prise de vue continue, il peut y avoir un vrai métier de scénariste, entre guillemets, voilà, enfin pas entre guillemets, un vrai métier de scénariste. On l'a un peu moins en animation, du fait qu'on est beaucoup sur le court-métrage. Et je pense que c'est quelque chose qui nous défavorise par rapport même à un public plus large, de ne pas avoir finalement ce travail aussi de très fort sur le scénario. Bah, donner du sens, ouais. C'est donner du sens à sa vie, donner du sens à ce qu'on fait, donner de l'envie, tout ça, c'est important, ouais. C'est primordial. Aude, tu dois faire un long métrage dans ta tête, pas, je te parle pas demain, il y a d'autres choses, mais... En tout cas, quand j'étais jeune étudiante, c'était mon ambition. Ouais. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout de 26 minutes. En tout cas, moi, j'étais contente de changer de format aussi, parce que je pense que je faisais du cinéma d'animation pour parler à un grand public. Et à un moment, je me suis dit, bon voilà, en fait, c'est le court-métrage qui est la place pour s'exprimer vraiment. Mais je pense aussi, en accompagnant Saigon-sur-Marne en festival, de revoir du public, leurs réactions, ça m'a fait me dire qu'en fait, j'avais envie de raconter des histoires pour qu'elles soient vues. Voilà, donc voilà, le long métrage, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, un public plus large qui n'est pas un public de festival, oui. Oui, parce que ce qu'il faut se méfier aussi, on s'est rendu compte, on a parlé tout à l'heure de Marzon, de long métrage qui ne touche pas forcément un grand public, souvent un court métrage, il suffit qu'il soit à Clermont par exemple et à Annecy, va toucher largement plus de gens. Je ne sais plus, ils avaient fait, je crois que c'était Nicolas Schmerkin d'Autour de Minuit qui avait fait par rapport à Logorama et qui avait fait un décompte, et je ne sais plus, mais je crois que c'était largement 1 million de spectateurs. Enfin, il atteignait un chiffre absolument incroyable. Plus des vues sur YouTube et autres. Et après, voilà, les vues sur YouTube, etc. Et c'est vrai que c'est encore là aussi un challenge qu'on a, je pense, dans le monde de l'animation, qui est encore complexe de savoir, enfin voilà, du court-métrage, de se dire finalement, en festival, il y en a qui marchent mieux. Mais ouais, c'est complexe, hein, je ne dis pas que c'est simple. Je sais pas, après, moi, je me dis, tu vois, par exemple, moi qui viens aussi du documentaire, il y a un site qui s'appelle Film Documentaire et qui est une base de données vraiment essentielle et qui est capable aussi de faire des biofilmos d'auteurs et d'autrices. Et c'est un truc qui manque, je trouve, dans l'animation, d'avoir un site un peu ressource qui permette justement de mettre en perspective des parcours d'auteurs, d'autrices et puis... parfois d'avoir accès à des liens VOD ou des sites internet qui permettent d'accéder à ces films-là. Et c'est vrai que c'est un des chantiers. Je sais que le film documentaire est financé par la SCAM en grande partie. C'est dommage que la SACD, vu la pauvreté de ses aides à l'écriture, ne réserve pas un peu des aides aussi pour financer ce type d'opération-là pour alimenter le goût qu'on peut avoir pour ce médium-là, ce moyen d'expression. Surtout qu'on est prêts, nous, à travailler pour, non, Nicolas ? On pourrait faire ce site. Hein, ouais. Moi, je veux bien faire un site comme ça, être payé pour faire un site où d'un seul coup, on... Ouais, il faut que la SACD... On met l'AFCA débloque... Oui. L'AFCA, ce serait difficile de débloquer des fonds, mais oui. La SACD pourrait en débloquer, oui. Et ben voilà. C'est juste qu'on a du temps un petit peu, c'est tellement agréable qu'il y a un côté un peu... Même on peut poser sa voix, on peut d'un seul coup un peu prendre son temps. Et c'est super. Merci beaucoup, Marc et Aude, d'être venus. Merci. Merci en plus. Merci. Ça a été. Je suis content de t'avoir eu dans le studio, puisque tu n'habites pas à Paris normalement, donc c'est impossible, enfin, pas impossible, mais c'est difficile de t'avoir, donc c'est super que ça soit bien tombé, en effet. Bravo, Nicolas. Et puis aussi, c'est vrai qu'on ne le fait pas beaucoup, mais merci aussi à une autre personne qui est Gérardo Michelin, qui est l'attaché de presse du Cartoon, parce que sans lui, on n'aurait probablement pas eu cette émission non plus. Mais bien sûr, donc, remercions voilà. Un peu. Tu veux avoir une accrète pour l'année prochaine et pour bien manger l'année prochaine. Bon, c'est bien sûr. Nicolas, t'as failli oublier le plus important. Francis Gavel serait là. Il t'aurait dit, fais attention, faut toujours parler de l'attaché de presse, etc. Et puis, merci beaucoup à Nicolas qui nous a donné ces 10 minutes de plus. Fidèle, voilà, d'ailleurs, c'est une voilà, nouvelle saison pour Bulle de rêve qui commence. Et on espère vous proposer encore plein de choses. Pour terminer, on va terminer avec un groupe qui s'appelle Umbert, qui, comme son nom ne l'indique pas, est japonais. Groupe folk, moi j'aime beaucoup. C'est une compilation qui vient de sortir, folk numéro 4. Et voilà, c'était pour terminer. Vous avez failli, normalement, si tu regardes le dossier que tu as en face de toi. On peut peut-être juste. Non, tu veux pas mettre le Frank Sinatra ? Tu dois avoir un Frank. Non ? Juste, on va écouter un petit bout, on revient après. Allez, on a 2 minutes. Among your friends, it's fun to lose and to pretend. She's old or bored, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. And a lotto, and a vino, a mosquito, by the fido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello. Here we are now, entertain us. On a lotto, and a vino, a mosquito, by the Beano. Hop, je me retrouve devant le micro, on est truc, voilà. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est Frank Sinatra qui reprend les Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Alors si vous avez un petit peu à réfléchir, il y a peu de chance, même si j'avoue que je ne connais pas la date de mort de Sinatra d'un seul coup, dans lequel il y a peu de chance qu'il l'ait fait. On vient d'entendre en effet une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on peut faire, c'est mettre la voix de Sinatra, que Sinatra met les inflexions de voix, les ceci, les cela, et mettre la chanson à côté. Et ce que vous entendez, donc, c'est du faux. C'est une intelligence artificielle qui fait ça. Alors, Nicolas dit, parce que Nicolas est optimiste, mais c'est alors Nicolas, pas le Nicolas réalisateur, le Nicolas intervenant, hein, j'en ai dit, oui, mais il y a toujours besoin de gens. Alors moi, je dis, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, nous, entre guillemets, ça nous amuse, on est en train de creuser notre propre tombe par rapport à ça, puisque ce qui va se passer, c'est qu'en effet, au bout d'un moment, les AI ne feront plus de chansons pour nous, de Sinatra qui reprend, mais feront des chansons pour AI, qu'on ne comprendra pas, qu'on sera incapable de comprendre, parce qu'ils ont commencé à discuter déjà entre elles et entre eux, je ne sais pas quel genre, justement, il n'y a peut-être plus de genre d'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi dans les AI, enfin on continue dans le côté, et que c'est une vraie réflexion, c'est que d'un seul coup, l'IA ne va pas forcément nous remplacer, loin de là, parce qu'il y aura toujours besoin, mais l'IA va peut-être d'un seul coup nous squeezer. En fait, il y aura une vie entre, est-ce qu'on pourra vivre entre être humain et AI, ou est-ce que les AI, et ça c'est moi qui dis souvent ça, mais finalement les animaux c'est parfait, les AI, ça les mange pas, ça, etc. Donc est-ce que ça va être plutôt entre les AI et les animaux plutôt que nous qui sommes des animaux, mais... Moi, je te rassure, à mon avis, moi, pas, avec la crise clair. Écologique qu'il y a, le monde aura disparu avant que les AI aient pu faire ça. Sauf si les AI sauvent le monde. C'est peut-être les AI qui peuvent sauver justement le monde. Ouais, écoute, on verra. Ouais. S'ils font de l'animation, voilà, peinture à l'huile animée aussi bien que Florence Mia. Alors, pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'on souhaite de plus en plus de projets. Et là, quelqu'un nous racontait, voilà, enfin, c'est pas encore des projets dont on peut parler, mais en tout cas, que ça commence à dire. Là, j'ai reçu un projet, en effet, pour le Piaf, où il y a quelques moments donnés, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, parce que c'est souvent très caricatural, ce côté-là. Donc voilà, mais là c'est quand même plutôt pas mal. On écoute juste deux secondes de Britney Spears qui chante Thriller. Oh. Alors voilà, vous avez entendu, c'était juste pour savoir, il y en a d'autres, hein, je voulais pas passer, mais il y a une version très drôle de Toxic, reprise par Plankton, pour les fans de SpongeBob, voilà, qui est très très drôle, c'est vraiment Plankton qui reprend avec sa voix, c'est en anglais, tu la vois, non Voilà, c'est pas grave. On va finir avec Humbert, on reparlera de toute façon, je pense qu'on va reparler de l'intelligence artificielle, que ce soit ici ou ailleurs, puisque de toute façon, voilà, ça va être quelque chose qui va être dans nos vies. On va finir donc enfin avec Humbert. Merci beaucoup Nicolas pour ce temps en plus, et merci encore une fois Marc, au-delà du partir, mais merci beaucoup, et puis vivement les prochains projets de Novanima, et Nicolas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec, j'espère... Marie-Pauline et peut-être Pascal, on n'a pas dit pardon, mais Pascal qui est Festival Fantastique de Strasbourg. Ouais. On fait aussi un petit salut. Et donc on finit par Humbert de cette compilation folk numéro 4. À bientôt. しないし。